adoré, ah oui pour moi li même meilleur. Wa malheur sous sang bien dans le bon l'air. Mais veille ou bien ça gros soleil la Réunion. Mais fait trop ribé, trop vite l'arrivée. Un wak de pi bon. Pi donne fond la rivière ma fine sans pays. La des amis respire sans la nature sans joli. Moi m'apprends de monter sans David sans nano. Apprendre pas grain de fée, des fois il rote galon pour gain galop. La manière humaine ils discutent sans trop presser. Mais les trois pailles prennent nos cadences là pas bouser. Pour toute la rivière dégaler la première vélo. Parce qu'on gros l'arrivée, tu rêves l'arrivée, y'a donne coco. Grimpe au réa, oui pour moi les mêmes meilleurs. Ouah ma l'air, je me sens bien dans le bon l'air. Mais veille ou bien, ça gros soleil la Réunion. N'est-ce pas trop hivé, trop vite l'arrivée, qu'on voit que les petits bons. On voit passe la porte, fouet, puis la équilère. N'importe quel support d'un paysage, d'un bon l'air. Ou bien monte là-haut et vite attaque ta. Passe trop soleil, si coco, la poussière, ça vend la sonde jusqu'à bazar. Pas besoin de faire la pause, on a la montagne danse. Petit comeback rose, il reste pas la romance. Et en voyant sans trop pousser, imagine la descente. Passe la fin d'arrivée, fais comme l'arrivée, y'a bien d'avant. Grimpe au réa, oui pour moi, les mêmes meilleurs. Bois ma l'air, sous sent bien dans le bon l'air. Mais veille ou bien, ça gros soleil, la Réunion. Salut la Réunion, salut Isa. Jim Fortuné sur la première. Bonjour Mickaël, bonjour ça à va tous. Bon, ça tranquille va ou même bon, très très bien, le réveil s'est bien passé. Ah bah c'est parfait. C'est alors parti pour la dernière journée de la semaine. Il Mickaël est 5h sur la première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. 2000 pieds à mal, 20 000 euros de matériel. C'est un véritable laboratoire de cannabis qui a été démantelé cette semaine à la Ravine des Cabris. Son propriétaire, Anthony Rivière, 23 ans et horticulteur de formation, souhaitait revendre sa production. Il a été mis en examen et écroué hier pour trafic de stupéfiants. C'est un nouveau record pour le grand port maritime, équivalent au niveau de 2008. Cette année, l'activité conteneur est en hausse, plus 18%, tout comme l'accueil des croisiéristes. 32 paquebots sont attendu à partir du mois prochain dans l'île. Reportage dans ce journal. La mesure concerne les pilotes de deux roues, mais aussi leurs passagers. À partir du 20 novembre, le port de gants sera obligatoire. Les grosses et petites cylindrées sont concernées. Et puis le salon Top Reza se termine aujourd'hui à Paris. L'IRT est sur place pour mettre en avant l'île intense. On en parle à la fin de cette édition. Anthony Rivière, 23 ans, vient donc de passer sa première nuit en prison. Hier, il a été mis en examen et écroué pour trafic de stupéfiants. Le jeune homme, horticulteur de formation, avait chez lui, à la Ravine des Cabris, près de 2000 pieds à mal, des têtes séchées, mais aussi pour 20 000 euros de matériel, des armoires, des lampes à infrarouges, des extracteurs d'air, tout pour faire pousser le cannabis à l'intérieur de la maison et commencer un joli trafic. Laurent Zukovic, procureur de la République. On a retrouvé environ 8 kilos de têtes séchées de cannabis, 2000 pouces, du matériel assez sophistiqué de culture, des produits phytosanitaires. Et donc ça nous a amené à interpeller le locataire de cette maison, qui a reconnu effectivement qu'il s'était lancé dans une production de stupéfiants en vue de pouvoir revendre le cannabis. Donc il avait testé plusieurs variétés. Il est de formation d'horticulteur, donc il connaît bien les plantes, leurs croisements. Et il avait pour objectif de revendre ce cannabis, donc saisi en quantité assez impressionnante. Et puis surtout, ce qui est à relever, c'est le caractère, somme toute, assez professionnel de sa culture. Laurent Zukovic, procureur de la République, au micro Réunion Première de Pierre Comorassami. Les enquêteurs veulent maintenant savoir si Anthony Rivière a agi seul ou s'il avait des complices, notamment pour revendre le Zamal. En tout cas, Anthony Rivière risque jusqu'à 10 ans de réclusion. Gérard Gomadamal, lui, est jugé aujourd'hui à Saint-Pierre pour plusieurs vols de coffres-forts. L'affaire avait défrayé la chronique l'an dernier. On avait même parlé du gang des coffres-forts. 11 complices sont en effet attendus à la barre. Gérard Gomadamal, propriétaire de plusieurs restaurants, est soupçonné d'avoir organisé une dizaine de cambriolages. Le collectif Simandef ne se fait guère d'illusions. Ses membres étaient hier devant le tribunal administratif pour réclamer l'annulation des délibérations municipales de Saint-Paul. En clair, contester la vente de l'ex-futur médiathèque Simandef à la région. Problème, aucun argument n'a été retenu par le rapporteur public et son avis est quasiment toujours suivi par les magistrats. Résultat, à la sortie de l'audience, l'agacement de Didier Bourse, le président du collectif, était plus que visible. Au niveau de la médiathèque Simandef, il y avait tous les étages qui étaient disponibles pour les multimédias et pour faire un accueil vraiment digne pour la population saint-pauloise. À côté de ça, on propose pour 500 élèves 4 mètres carrés de surface. Aujourd'hui, on a fait le calcul avec les travaux, c'est 45 000 euros par élève qui seront dépensés. C'est tout à fait inadmissible. Quand on connaît les difficultés financières que connaissent les collectivités, quand on connaît les réductions budgétaires de l'État qui donnait là 5 millions, on voit bien qu'il y avait un effort sans précédent qui était fait par l'État. On va le dilapider. Malheureusement, dans un conservatoire, nous n'avons rien contre le conservatoire, mais ce conservatoire n'a pas du tout les mêmes objectif comme une médiathèque qui était fait pour tout le monde. Didier Bourse, président du collectif Simandef, au micro Réunion Première de Bruce Régent. La décision du tribunal administratif sera connue le 22 octobre. Autre collectif, celui qui vient de se créer à Saint-André contre l'exploitation de la carrière de l'Ermitage dans les Hauts à bras de mousseline. Le projet prévoit de fournir 7 millions de tonnes de roches massives à la nouvelle route du littoral, mais les habitants du quartier sont contre. L'enquête publique est terminée depuis hier. Une vingtaine de riverains ont remis une pétition au commissaire enquêteur. Cela n'était plus arrivé depuis 2008, mais le grand port maritime va bien, très bien même. La structure enregistre aujourd'hui un nouveau record de tonnage. 99% des produits importés à La Réunion passent par le port. Une satisfaction pour le président du directoire et le président du conseil de surveillance qui ont présenté le dernier bilan hier à la gare maritime du Port Est. Un bilan qui montre que la dynamique qui se dégage depuis quelques années se confirme. Delphine Poudroux. Avec 160 mètres de quai supplémentaires, un tirant d'eau porté à 14,50 mètres, trois nouveaux portiques, Port Réunion a choisi de s'inscrire dans une dynamique de développement économique. Attractif, compétitif, il enregistre aujourd'hui une activité conteneur en hausse, mais pas seulement. Olivier Waraud, maire du port et président du conseil de surveillance. En quelques chiffres, c'est une augmentation x3 du transbordement, c'est une augmentation de plus 18% de l'importation de marchandises conteneurisées. C'est un port qui s'organise aussi pour les autres activités maritimes que celles de l'importation-exportation. C'est un port qui s'investit dans l'accueil des croisiéristes demain. En effet, dès le mois prochain, 32 paquebots de plus de 1500 passagers sont attendus à la gare maritime. Et l'enjeu est de taille. Jean-Frédéric Laurent est directeur général du Grand Port Maritime. L'enjeu au sens large, il est sur les retombées pour l'île de la Croisière. Le fait qu'aujourd'hui Costa Croisière vienne à La Réunion et fasse des escales de 2 jours aura forcément des retombées plus importantes. Et donc nous devons être en mesure d'accueillir les passagers, de leur proposer une offre réunionnaise digne de ce nom. Au-delà bien sûr, Port Réunion veut continuer à offrir les meilleurs services à ses importateurs et exportateurs, avec toujours comme seule priorité le développement de l'économie et de l'emploi sur l'île. Et concernant l'accueil des croisiéristes, le Grand Port Maritime s'est associé à la région pour améliorer l'accueil des passagers. Il y aura du mieux pour le stationnement des navettes, des taxis. Un agrandissement de la zone bagages a été également pensé, tout comme une zone Wi-Fi pour les passagers. 5h07 sur la première, la suite du journal Florent Marot. La mesure entrera en vigueur le 20 novembre. Dans 2 mois, les pilotes de 2 roues et leurs passagers devront obligatoirement porter des gants. Les petites et grosses cylindrées sont concernées et en cas d'infraction, ils vous en coûtera 68 euros d'amende et un point en moins sur le permis. Les forces de l'ordre seront vigilantes, notamment les motards de l'escadron départemental de sécurité routière qui n'échappent pas non plus à la réglementation. Les précisions du commandant Laurent Frutos. casques, gants sont désormais les seuls équipements obligatoires. Par contre, il est évident que nous recommandons le port des équipements dits de sécurité, c'est-à-dire des blousons avec des renforts épaules, puis éventuellement des plaques dorsales. On parle de gants certifiés. Alors c'est une norme CE. Il est évident que chaque paire de gants devra être badgée de cette étiquette CE pour être considérée comme valable. En sera-t-il des motards de votre escadron ? Est-ce qu'ils aussi vont devoir s'équiper ? Les gants dont nous disposons actuellement, même s'ils ne disposent pas tous de cette étiquette de certification, justement j'ai posé la question très récemment à ma direction, ils remplissent les critères de la norme CE. Donc ils sont valides pour la conduite de nos engins. Le commandant Laurent Frutos de l'escadron départemental de sécurité routière, joint par Daniel D'Ambreville. On passe au sport avec un mot de handball et ce match avancé de la 7e journée de championnat. Château-Morange, le leader, reçoit à 21h15 ce soir le Saint-Pierre HBC. Saint-Pierre, 4e au classement. Allez, comme promis, on termine avec le salon Top Reza. Il ferme ses portes ce soir à Paris. L'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, est sur place avec un nouveau logo et son slogan, La Réunion, île intense. Un slogan qui doit rester, selon Willy Etève, le directeur général de l'IRT. 40 images ont également été associées pour parler à tous, peu importe le pays d'origine. Willy Etève. On s'est attaché à mettre en avant tout ce qui fait la force de la Réunion à travers un certain nombre de pictos. Il y en a 40 au total. Alors bien évidemment, il y a bien plus que 40 activités ou 40 sites à voir à la Réunion, mais on a essayé de résumer les principaux. On a le côté culturel et cultuel, c'est important. On a les religions qui sont un signe fort d'harmonie à la Réunion. On montre également les paysages, on montre la faune, la flore qui est important, la gastronomie, donc vous allez retrouver une petite marmite, un pilon, l'ananas, le litchi, enfin tout ce qui fait l'exotisme également de la Réunion. Donc un certain nombre de pictos qui donnent envie en fait aux voyageurs d'aller découvrir et surtout que ces pictos ont une lecture qui est internationale. Elle n'est pas adressée uniquement au marché métropolitain parce que ces pictos sont lisibles sur l'ensemble des marchés. Willy Etève, directeur général de l'IRT, interrogé par Julie Straboni, et une nouvelle application a également été présentée lors de ce salon Top Reza. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin, Édouard Marguier, de ce piratage informatique. C'est l'un des plus gros piratages de l'histoire pour une entreprise américaine. Parmi ses adresses mail, il y a peut-être la vôtre. 500 milliards de comptes Yahoo ont été piratés, annonce la firme américaine. Selon elle, le hacker est lié à un État. Les vols concernent des informations personnelles, les noms des clients, date de naissance, numéro de téléphone, mot de passe. Yahoo assure en revanche que les données bancaires des utilisateurs n'ont pas été affectées. Les pays ne s'entendent toujours pas pour sortir la Syrie de la guerre. Le groupe international de soutien à la Syrie a terminé sa réunion à New York sur un non-lieu. Les États-Unis demandent à la Russie d'être plus sérieuse pour rétablir un cessez-le-feu. La France estime que la réponse des Russes aux demandes internationales n'est pas satisfaisante. Et la Russie a tout simplement dit qu'il ne s'est rien passé pendant cette rencontre. Les diplomates russes et américains se revoient ce vendredi pour une autre tentative. Le but, évidemment, est de définir une trêve. Cette décision d'un procureur américain pourrait peut-être calmer la ville de Charlotte dans l'est des États-Unis. Les manifestants manifestent toujours, c'est le cas de le dire, des émeutes ont éclaté après la mort d'un homme noir sous les balles d'un policier. Mardi, l'armée a été envoyée pour calmer les tensions ce jeudi. Ce soir, à 1600 km à l'ouest de Charlotte, à Tulsa, une policière a été mise en examen pour homicide parce qu'elle a tiré sur un automobiliste noir. Elle aurait réagi de manière exagérée. Incident diplomatique ou plutôt incompréhension sémantique entre la France et la Belgique. L'ambassadeur belge assure ne pas avoir été convoqué par Bernard Cazeneuve après l'interpellation il y a deux jours de deux policiers belges en train de déposer 13 migrants du côté français dans le nord de la France. Le ministre de l'Intérieur parlait bien de convocation. En tout cas, une réunion a bien eu lieu entre les deux pays ce mercredi. Le trou du régime général de la Sécu sera presque comblé en 2017. C'est ce qu'affirme Marisol Touraine dans une interview ce vendredi. vendredi, donné au quotidien Les Échos. Le déficit ne sera que de 400 millions d'euros, si on peut dire, pour ce régime général. Il était de 17 milliards en 2011. Ce mandat signera la fin des déficits sociaux, s'est exclamée la ministre des Affaires sociales. L'ex-membre du GIA algérien, recherché par la police française depuis 15 jours, était finalement en Suisse pour déposer une demande d'asile. Merwan Benhamed a été arrêté aujourd'hui à la frontière franco-suisse à Valorbe. Il avait été condamné à 10 ans de prison en 2006, assigné en résidence en Mayenne, coupable d'être impliqué dans l'affaire dite des filières tchétchènes, soupçonné de préparer des attentats à Paris. Jean-Marc Morandini d'Europost, encore ce soir, deuxième nuit de garde à vue pour l'animateur. Depuis mercredi, il est entendu dans l'enquête pour corruption de mineurs après des accusations de deux hommes. C'est une autre affaire que celle de harcèlement sexuel pendant des castings, affaire dans laquelle Jean-Marc Morandini est également cité. 5h13 sur la première. Et Mickaël, on a bien du mal à se débarrasser de ces nuages dans l'Est. C'est comme tous les jours, depuis le début de semaine. On va encore avoir des nuages sur Saint-Benoît, Saint-Trois, Saint-Philippe, aussi bien sur les pentes que sur le littoral. Et ce matin, au réveil, de faibles averses vont pouvoir se produire sur ces régions. Puis à l'ouest, le ciel va être plus variable, avec une prédominance des éclaircies. L'après-midi, eh bien, le ciel va se charger avec des petites averses qui peuvent à nouveau se déclencher. Et sur le littoral, le ciel sera à nouveau plus éclairci de Saint-Gilles jusqu'au port. Et les nuages de pente vont venir quand même flirter vers l'océan. Le sommet du volcan va rester dégagé. Et on aura encore du vent. Nord et sud, 50 km/h aujourd'hui, donc à compter sur Saint-Pierre. Et sur Saint-Denis, température stationnaire par rapport à hier avec 27 degrés sur le littoral de l'Ermitage. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. J-27 les amis, J-27 avant le départ du Grand Raid. Oh t'es oui. Ça y est, t'es prêt Isa? Bah non, bah c'est comme ça. Toi, ou le prêt, bah ou peut-être. Bah oui, je suis prêt pour le vivre avec vous. Ah bah sur la Lyon Première, en radio, en télévision. Et, oui, c'est ce que je vais faire aussi. Sur Internet, puisque le Grand Raid, c'est encore sur la Lyon Première. D'ailleurs, je salue tous ceux et toutes celles qui courent le matin très tôt. Ouais. Je les vois des fois en partant de chez moi et ils font un entraînement de fou. Hein. Ah bah il faut. Et c'est oui. Courage azote au thé. La course mérite cet entraînement, c'est ça. Parce que alors moi je me vois mal avec Isabelle le matin quand on se réveille, ouais, aller courir. Ça c'est à peine s'il nous voit où ça y est la voilà. Porte. Alors imagine un sentier. Ça va être compliqué. Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué. Bah, on espère que vous allez bien en tout cas ce matin. Mm-hmm. On vous attend par SMS, le numéro on le connaît. Bah oui, 06 voilà. 92 70 2000. Sinon nous les même au 02 62 99 2000. Note-les la même tous les matins. Bah oui, elle est là. Bah oui, mais bonjour Prisca. Elle se connecte sur Facebook. Salut merci. Prisca. Ça va? Bonjour les amis. Bah écoutez, ça va. Nous sommes à de Carré grand matin au marché forain de Saint-Paul. Ouais. À saveur, découverte. On va voir s'il y a des mangues de l'autre côté. Vous savez, les mangues gelées. Oh, ouais. Mais elles ne sont pas encore arrivées. Ah si, il y en avait, il y a deux semaines de ça sur le marché forain du Chaudron. Ah bah ok. À 10 euros le kilo. Ah oui, oui, ok. Non, on va voir s'il y en a... sur le marché forain de Saint-Paul. Elles sont rares. À tout à l'heure. Elles sont rares. À tout à l'heure, Prisca. Et puis connectez-vous sur Facebook pour nous envoyer vos vidéos sur le marché notamment. Tout à l'heure, la page Grand Matin. Eh oui, ouais, c'est important. Tu la connais, Prisca? Bah oui, la page Grand Matin. Bon, toi-même. On doit poster sa photo là pour. Eh ben ça continue parce que c'est le dernier voyage. Jour. C'est dernier jour, un voyage. Oh, un voyage sur la mer. C'est une croisière. Belle croisière. C'est le dernier jour, c'est vendredi avant 8h. Exactement. Voilà, il y aura ça. Le tirage au sort avant 8h. Un petit déjeuner, une photo sur Facebook. Et peut-être pour vous avant la fin de l'émission, un très très beau cadeau. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on fait marcher le commerce toute la semaine avec tous les petits déjeuners comme ça qu'on poste en photo. Bah oui. On devrait nous remercier, tiens, dis donc. Ben non. Et nous offrir des petits déjeuners gratuits. On va appeler toutes les grandes surfaces. Ah oui, moi je suis là, je suis à fond. Salut Prisca, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 5h45 pour le marché. D'ici là, on va rejoindre Juliette pour l'horoscope. Juliette que je ne vois pas, que je ne vois toujours pas. Mais te vois pas, un jour peut-être. Oui, je sais. Allez, à tout de suite. Ah, Seigneur. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20, votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est à la place? Ça t'y met ensemble? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Nous sommes déjà le vendredi 23 septembre et dans 3 mois, un petit peu plus, ça sera déjà Noël, Lisa. Ouais. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe très vite. Et ça fait déjà plus d'un mois qu'on est ici, depuis la rentrée. Et puis ça fait un mois déjà que tous les matins tu as rendez-vous avec elle. Ouais, j'ai rendez-vous. C'est vrai, c'est ça. C'est déjà pas mal. Tu me diras, le virtuel, des fois, entraîne le réel. Aussi, on ne sait jamais. Allez, vas-y. On ne sait jamais. Je dis bonjour à Juliette. Est-ce qu'elle va me dire bonjour? Bonjour, Juliette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous m'attendiez ? Oh, c'est un peu prétentieux ça. C'est les prévisions astrales que vous attendez. Nous allons les écouter tout de suite. Tout d'abord, nous souhaitons une excellente fête au Constant. Nous sommes le vendredi 23 septembre. Voici les prévisions astrales de la première. Bélier, essayez d'être un peu plus attentif. Taureau, vous aurez tendance en cette journée à faire de mauvais choix. Gémeaux, même si ce n'est pas dans votre nature, essayez de prendre un peu plus de temps pour vous. Cancer, c'est une journée simple et un peu magique aussi. Lion, très bonne résistance de fond. Continuez et persévérez. Vierge, vous savez ce que dit le proverbe. Loin des yeux, loin du cœur, et ce n'est pas vous qui le ferez mentir. Balance, quelques erreurs dans vos comptes. Scorpion, votre dynamisme risquera parfois de se transformer en hyper-nervosité. Sagittaire, vous n'avez qu'une idée en tête. Passez au plus vite au week-end. Capricorne, vous pourriez bien apprécier une personne que jusque-là, vous aviez mis de côté. Verseau, petit à petit, l'oiseau fera son nid, ce sera votre devise du jour. Poisson enfin, vous allez garder la cadence, mais vous allez vous faire aider pour mener à bien vos projets. Excellente journée à tous. Merci Juliette. Même pas encore dit bonjour, c'est pas grave. D'accord. J'y crois avant la fin de l'année, on sait jamais. Tiercé, quarté, quinté plus. On va à Vincennes, parce que hier c'était l'arrivée, là-bas. Exactement. Et pour gagner hier, il fallait jouer le 15, le 3, le 16, le 10 et le 13. 15, 3, 16, 10 et 13. Et on retourne à Vincennes aujourd'hui. Eh bah oui, exactement. Aujourd'hui c'est vendredi, donc la course va se faire en nocturne, avec un départ qui sera prévu pour le prix Cléomède à 22h35. Il y aura 18 partants, 2850 mètres à parcourir, 5 600 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille l'As, le 16, le 18, le 15, le 5, le 10, le 6 et le 13. As, 16, 18, 15, 5, 10, 6, 13 pour le quintet de ce soir à Vincennes, prix Cléomède, 18 partants, 2850 mètres à parcourir et 5 600 000 euros dans la tirelire. N'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons! Responsable, comme toujours, ouais, dans un instant, tout ce qu'il ne fallait pas rater sur la planète folle. Ah mon Dieu, bah c'était fou, hein, moi je te le dis. Hein. Ça débloque cette semaine encore un peu partout dans le monde. Oui, on vous fera un petit résumé pour ceux qui ont manqué ça. Juste après Ticoque Velay, bon réveil. Voici la batte et nena, donne mon bétel, mi ça va. Rode mon sauceau, t'es là-bas. Des potes à moins, ça pas bon. À la moins d'un rédillon. Des potes à moins, ça pas bon. À la moins d'un rédillon. Donne mon soubit, mi ça va. Soyez mon enfant, t'es là. Donne mon soubit, mi ça va. Rode un boucher, pour bana. Fais mal au ya mon papa, maman zélo qu'est sa baba. Fais mal au ya mon papa, maman zélo qu'est sa baba. Donne mon vieux pios, mi ça va. Gratte la terre à la tebana. Donne mon vieux pios, mi ça va. Rode mon zoané sans vaza. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son farfar les vala. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son farfar les vala. Donne mon gamblon, mi ça va. Rode la soise de l'eau sans dada. Donne mon sombri, mi ça va. Rode un paquet de bois là. Flemme à l'oeil à mon papa, maman zélo qu'est sa baba. Flemme à l'oeil à mon papa, maman zélo qu'est sa baba. la moi donnerai Dion. Cuisine de bois les gaillards, avec son fafa les valables. Flair maloya mon papa, comment c'est le pied sa papa. Et pas ta moi dans le train, sans mon sommeil pas demain. Flair maloya mon papa. Il est 5h23 dans toute la région, c'est dur les amis, c'est très dur, mais vendredi 23 septembre. Mais ça oui, va, on là. Imagine, non, on se met à leur place, Isa. Bah oui, Isa, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Alors ce que j'aime bien, c'est quand Isa, elle bouge le vendredi matin, j'ai l'impression qu'elle va tomber à tout moment. Ah, tu gonfles, hein, parce que tu es pas dans bah oui, un meilleur pareil, état. Je suis pareil, mais on va tout faire pour donner la bonne humeur ce matin, pour vous réveiller. C'est pas facile, c'est pas oui. facile les amis, mais enfin bon, hey, on va tenter quand même de vous montrer que vous allez bien. Ouais. Franchement oui, au vu de ce qui se passe dans le monde, vous que nous écoutez, ouais. vous allez bien. Pas tout le monde va bien. Comme tous les vendredis, on fait le tour des actus complètement folles qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Ouais. Alors on file pour commencer, pour mon plus grand plaisir, au Japon, ah oui. où on peut prendre des cours, bah ou apprendre tout, hein, une oui. langue étrangère, par exemple, cuisiner, donc oui, ça, bon, ça c'est plutôt basique, normal. Hein, oui. Par contre, c'est vrai que là, on peut se poser des questions pour être un bon papa aussi. Eh, ça oui. Des cours destinés, Mickaël, à des célibataires qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour rencontrer qui ? Eh bien, la femme de leur vie, évidemment. Ah, bah, je ne vois pas le rapport. Alors, pour séduire la belle, eh bien, il faut apprendre à être un bon papa pour lui prouver, si tu veux, qu'on va pouvoir assumer la vie de famille, gérer bébé. Alors, les messieurs, du coup, dans ces cours très spéciaux, qui sont réservés aux célibataires. C'est-à-dire que la première règle, c'est de ne pas avoir d'enfants. On est au Japon, hein, why not. Et puis, c'est la rubrique Le Monde est fou en même temps. Alors, les messieurs apprennent à langer bébé, lui donner le bain, l'habiller. Et puis, autre partie du cours, ils enfilent une combinaison, tu vois, lestée avec du poids, tout ça. Pour être un petit peu dans les conditions d'une grossesse. Donc ils travaillent sur des poupées en fait, si on comprend bien. Voilà, exactement. Ouais. Alors en fait, ces jeunes hommes, qui c'est qui vient prendre ces cours, eh bien, ce sont des jeunes qui souvent sont surdiplômés, qui passent la quasi-totalité de leur temps au boulot. Résultat des courses, eh bien, ils ont peu d'occasions de rencontrer des jeunes demoiselles, donc ils font appel aux sites de rencontres sur internet qui explosent. Et là, évidemment, la concurrence est rude. J'imagine, bah oui. Donc il faut savoir faire la différence. Voilà, qui sera le papa du mois ? Voilà, donc, eh ben pour lui dire, moi j'ai un atout supplémentaire, j'ai pris des cours pour être un bon papa. L'histoire ne dit pas si c'est un critère qui fonctionne finalement auprès des demoiselles. Bon, mais très bien. Enfin, en même temps, même ici, ou en métropole, certains devraient apprendre à être un bon papa. Sauf que tu vois, poupée reste un poupée, un vrai enfant, c'est un autre histoire. Pas tout à fait pareil. Direction l'Angleterre, où un jeune homme a joué un mauvais tour à sa copine après une dispute. Lui. Ah oui, monsieur. Vous voulez à la salle de sport, madame voulait pas, elle voulait qu'il reste à la maison. Alors évidemment, il râle, il bataille, et sous l'effet de la colère, eh bien monsieur, pour énerver encore plus madame, il décide de vendre sa femme sur eBay. Il est anglais, bah oui. Mais c'est pour de l'annonce rire. Proposée, c'était pour oui, de rire. C'était une blague. Hein. Ok, bah ça doit pas proposer faire donc quand même. Épouse usagée, femme d'occasion, carrosserie et peinture encore en bon état. C'est pas mal. Pas un mauvais modèle pour l'année. Quelques compétences en cuisine. Bon, tu comprends que ça l'a bien énervé la dame. Femme c'est d'occasion, une c'est pas, lourd. Quand même, qui est pas très drôle. Alors en deux jours, les enchères sont montées jusqu'à 77 000 euros. Il y en a un internaute qui a même proposé d'échanger la demoiselle contre un chameau. Un autre qui voulait connaître son poids avant de faire son choix. Bref, tu quand vois, même. Tout et n'importe quoi. Quand la demoiselle a découvert la supercherie, ben elle s'est vengée parce qu'elle n'a pas du tout trouvé ça drôle. Tu m'étonnes. Résultat des courses, elle lui a piqué sa carte de crédit à son copain et elle s'est acheté plein de jolies choses, dont un très joli sac de marque bien cher. Tel est donc prix qu'il croyait prendre. Vous n'avez pas besoin d'être énervé pour le faire, ça. À Copenhague, un homme a été sauvé de la mort, lui, en recevant un ballon de foot dans la tête. Exactement. Ah oui, c'est bizarre, ça, Mika. Il va assister à un entraînement de son équipe de foot. Balle perdue, il se prend un ballon dans la tête. Évidemment, transporté à l'hôpital pour voir si tout va bien. Ils lui font un examen, ils découvrent qu'il a une tumeur au cerveau. Puis attends, le mec est sauvé. Ça tombe bien. Extraordinaire. Comme quoi, il faut aller plus souvent regarder les matchs de foot. On termine avec un chanteur du métro de New York qui pourrait enregistrer prochainement un album. Il a une énorme voix. Exactement, il s'appelle Mike et il fait partie de ces nombreuses personnes qui chantent dans le métro new-yorkais. Ouais. Évidemment, les passants font des vidéos, on met tout ça sur internet et il a été remarqué, notamment grâce à cette reprise du tube du film Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze. On en parlait la semaine dernière. Exactement. Alors, c'est C'est pas tout à fait l'extrait qu'on voulait vous passer, hein, pour vous cacher. Mais on va le retrouver, cet extrait. Oh. On va le retrouver. Ouais. Ou alors vous allez sur Internet, oui, hein, vous allez voir, ça fait des millions de vues. C'est énorme. Mais c'est la version de Garrett Gates. Voilà. Et en fait, vous tapez simplement Mike, métro new-yorkais, vous trouvez ça. C'est top. Et il va enregistrer un album prochainement. Vous inquiétez pas, on vous la fait réécouter dès qu'on peut. Tout promis. À l'heure. Ouais, hein. Promis. Bon, on la retrouve. À tout de suite. À 5h30, c'est l'info. C'est Cécile Thomas qui revient. En attendant, frérot de la Vega autour de moi sur la première. Très beau réveil à tous. Oh, oh. Je cherchais contre vents et marées une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Oh, oh. Sous la lune, au ciel étoilé, non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour, la nuit aura tout changé au fond de toi. Oh, oh. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Ouais. Est-ce que t'entends? Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Oui, la, la, la. Comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard? N'as-tu vraiment aucun souvenir au fond de toi? Ah, ah. Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire, juste la la la la, ouais. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ah. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffle, ne m'oublie pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Ne m'oublie pas, sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffle, ne m'oublie pas, juste là. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agit. Les frérots de la Vega avec autour de moi, sur première. En concert au mois de février de l'année prochaine. Et chose promise, chose due. Oui. On vous a donc passé l'original de Unchained Melody. Ah, on a retrouvé la version Mike, la version dans le métro. De Mike dans le métro. Allez. C'est pas mal, hein. Il donne, hein. Ouais, ça donne le paquet, hein. Ah. Comme quoi, il a été remarqué et il va faire un album prochainement. Cécile, pas mal, hein. Je vois Demi Moore d'un seul coup. Tu vois Demi Moore, toi? Oui. Ah ben oui. Bon, elle voit un peu tout le monde, hein, ce matin en même temps. Vous elle est fatiguée. Vous savez bien le film. Bah oui, Ghost. Bah oui, c'est forcément. Ça. Allez, 5h30 sur bien la première. Aussi. Et deux. 5h30. Cécile Thomas pour Le Journal. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Il n'avait pas de problème dans sa plantation. Anthony Rivière a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Ce jeune plantait du zamal à grande échelle en professionnel. Explication dans ce journal. Mobilisation des riverains du projet de carrière à l'Ermitage à Saint-André. Ils ne veulent pas des centaines de camions annoncés dans leur chemin pour fournir des roches au chantier de la nouvelle route du littoral. Ils se sont expliqués hier. Nous entendrons leurs arguments. Des gants pour les pilotes de deux roues, obligatoires à partir du 20 novembre. Explication dans ce journal. Et puis, La Réunion, île intense, ancien et nouveau slogan pour vendre la destination. Nous irons au salon Top Reza à Paris à la fin de cette édition. On ne peut pas nier qu'il a un certain talent pour l'horticulture. C'est son métier, mais Anthony Rivière ne se remettra pas au vert tout de suite. Le jeune homme de 23 ans a été mis en examen hier pour usage, acquisition, détention, offre et cession de cannabis. Depuis 3 mois, il délaissait ses légumes pour la culture de zamal. Il avait même installé un laboratoire. À l'issue de son audition hier, il a été placé en détention provisoire. Pierre Koumourassami. Ce sont des voisins intrigués par l'odeur persistante de zamal dans leur quartier qui alertent les policiers. Les policiers se rendent alors dans la maison occupée par Anthony Rivière et tombent sur une véritable unité de production de Zamal. Là, ils découvrent environ 8 kilos de plantes séchées, près de 2000 plants de cannabis de différentes grandeurs et tout un matériel sophistiqué, genre armoire qui permettent la culture indoor, lampes à infrarouge, matériel d'extraction d'air, ainsi que des produits phytosanitaires pour un montant évalué à 20 000 euros environ. Le jeune homme de 23 ans avoue qu'il s'est lancé dans la culture de Zamal dans un premier temps pour sa consommation personnelle. Puis, il y a un an et demi environ, il a décidé d'en produire en grande quantité avec l'objectif d'en revendre. Il commence sa production en plein champ, mais le jeune homme se fait voler. Il y a 4 mois environ, il loue une maison à la Ravine des Cabris, une maison qui lui servira de serre. C'est là qu'il se lance dans la culture indoor. Il investit dans du matériel et essaie plusieurs variétés, plusieurs croisements pour obtenir un produit de la meilleure qualité qui soit. Mais son projet est stoppé net sur dénonciation de ses voisins. Et aujourd'hui, Anthony Rivière encourt 10 ans de prison. Pierre Comora Samy, justice toujours avec ce qui pourrait bien être l'affaire de l'année au tribunal. Gérard Gauvin-Damal, une personnalité connue dans le sud de l'île, c'est l'ancien vice-président de la Saint-Pierroise, propriétaire de plusieurs restaurants. On lui reproche d'être le commanditaire d'une série de vols de coffre-fort, des vols perpétrés par une bande de 11 cambrioleurs dont certains très chevronnés et proches de l'homme d'affaires. La bande sera donc présentée et devra répondre d'une série de cambriolages. Gérard Gauvin-Damal lui est poursuivi pour complicité de vol aggravé. Le groupe donc aurait agi pour son compte. Début de l'audience ce matin au tribunal de Saint-Pierre. Nouvelle contestation contre la vente du bâtiment de la médiathèque Simandef par la mairie de Saint-Paul à la région. La mobilisation citoyenne n'ayant pas porté ses fruits, le collectif Simandef tente la voie judiciaire. Il était devant le tribunal administratif hier avec comme argument contesté les délibérations municipales qui ont abouti à la vente du bâtiment. Les arguments n'ont pas du tout convaincu le rapporteur public Bruce Régent. Pour le rapporteur public, le conseil municipal du 8 avril 2015 n'a pas du tout eu lieu à huis clos. En tout cas, aucune preuve n'en est apportée. Une éventuelle absence d'affichage, pas plus prouvée, serait sans incidence sur la délibération. Et les conditions de la vente sont suffisamment précises. Les 18 millions d'euros sont un prix conforme. L'idée que la région aurait bénéficié d'un avantage outrageux du fait de la proximité politique entre elle et la mairie n'est pas assez étayée. Fermez le banc. L'avocate du collectif aura beau déployer ses arguments sur le fond de l'affaire, la subvention de l'État à rembourser sur le coût du changement d'affectation du bâtiment, 6 millions d'euros, un gaspillage d'argent public à ses yeux. Il ne s'agit pour le rapporteur public que d'une contestation de choix politique et donc ça ne relève pas de la justice administrative. Les chances que la requête du collectif Simandef aboutisse sont donc quasiment nulles. Tous ses membres l'ont compris, ils sont sortis de la salle d'audience un peu abattus, comme lorsque l'on joue sa dernière carte et que ce n'est pas son plus gros atout. Bruce Régent et puis délibéré annoncé pour dans un mois tout juste. C'est un autre collectif qui s'est constitué et qui s'est mobilisé hier après la ravine du Trou à Saint-Leu, les Lataniers à la Possession. Voici qu'un collectif donc s'élève contre un projet d'extraction de roches à Saint-André. La carrière de l'Ermitage pourrait fournir 7 millions de tonnes de roches massives pour le chantier de la nouvelle route du littoral. Un projet dont l'enquête publique préliminaire est arrivée à terme hier. Une vingtaine de riverains du quartier de Bras de Mousseline se sont rassemblés pour remettre une pétition au commissaire enquêteur chargé de recueillir les observations de la population. Parmi les 300 signataires, Michel Barret, qui a toujours vécu à Bras de Mousseline, elle s'inquiète notamment pour la santé de son petit-fils. Quand aujourd'hui on nous dit qu'il y aura la carrière au-dessus de chez nous, moi ça me met en colère parce qu'il y a une très belle forêt au-dessus. Moi-même, j'adore la nature. Il n'y aura plus rien. Et nos maisons, il y aura la poussière. On ne pourra plus vivre. Moi-même, je vous dis, j'ai un petit enfant qui n'est pas bien, qui est asthmatique. Là, on vient de me dire que le chemin, la piste d'accès, va passer juste au-dessous de la citerne pour remonter vers l'Ermitage. Moi, je suis légèrement en dessous. Il y aura le bruit. Moi, je me suis dit, il va y avoir au moins une trentaine de camions qui vont passer par là. Eh bien non, j'ai eu confirmation. Il y a 299 camions qui vont passer par là tous les jours. Une riveraine, Michel Barret, qui répondait à Olivier de la Richaudie. 5h37 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Plus d'indulgence pour les conducteurs de deux roues. Jusque-là, ils n'avaient qu'une seule obligation, porter un casque homologué. Ils devront désormais s'équiper de gants certifiés. Et pareil pour leurs passagers. Les gros cylindrés comme les petites sont concernés. À partir du 20 novembre prochain, les motards ou scooteristes qui conduiraient sans gants pourraient être verbalisés. Et cela coûte une amende de 68 euros et le retrait d'un point sur le permis. Pas sûr sûr que la nouvelle soit bien accueillie, notamment par les conducteurs de petites cylindrées. Mais dans cette auto-école de Saint-Denis, on trouve que c'est une bonne initiative. Olivier Mussard, le gérant, n'a pas attendu la loi pour imposer aux futurs pilotes de porter, en plus du casque, une veste renforcée, des chaussures montantes et des gants. S'équiper, c'est primordial. On ne va pas s'équiper uniquement de la tête aux pieds en ayant une combinaison cuir pour aller faire du circuit, mais s'équiper un minimum pour faire de la route, ça fait preuve de bon sens. Malheureusement, il y a les motards avec les grosses cylindrées et il y a les motards qui utilisent des deux roues de faible cylindrée, tels que les scooters ou les 125. Et c'est vrai que chez eux, peut-être que l'obligation de s'équiper a plus de mal à passer. On estime qu'effectivement, par rapport à la vitesse réduite, le risque est moindre. Mais c'est totalement faux. Une moindre chute, même à 30 km/h, on peut facilement se râper et se brûler et être lourdement handicapé par la suite. Olivier Mussard, gérant d'une auto-école à Saint-Denis, répondait à Daniel D'Ambreville. Application de la nouvelle règle donc dès le 20 novembre. Comment assurer une paix durable dans l'océan Indien? C'est le thème du symposium du réseau interreligieux qui se déroule à La Réunion. 150 congressistes sont réunis jusqu'au 25 septembre au Moka pour débattre à l'invitation du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion. Comment agir pour préserver cette paix dans l'océan Indien et relever les défis qui sont associés? On écoute Idriss Issop-Bagnon, président du groupe interreligieux de La Réunion. Le symposium que nous organisons et qui rassemble les conseils interreligieux des îles de l'océan Indien, de Madagascar, de l'île Maurice, des Seychelles, avec des observateurs de Comores et de Mayotte, a pour souci de parler de la paix dans l'océan Indien, de parler de la paix dans nos sociétés, de parler aussi du grand problème qui occupe le monde entier, l'écologie, le développement durable avec le phénomène de réchauffement climatique qui, à moyen et long terme, va certainement causer plein de conséquences graves dans nos îles. Il faudra s'attendre à avoir des réfugiés climatiques avec la montée du niveau de la mer. Nous sommes là comme éveilleurs de conscience pour appeler nos populations à agir pour la préservation de notre planète qui est en péril. Des propos recueillis par Laurent Figon. Et notez que l'invité de la matinale ce vendredi est Houssein Hamod, le porte-parole du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion. Il répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. À Paris, le salon Top Reza refermera ses portes ce soir. Ce salon du tourisme est un temps fort pour les professionnels et bien sûr, La Réunion était représentée. L'IRT qui a dévoilé sa nouvelle campagne de séduction avec un slogan qui a déjà marché et qui est donc repris. La Réunion île intense, pas de problème à faire du neuf avec du vieux, pour Willy Etève, le directeur général de l'île de La Réunion Tourisme. L'île intense était un slogan qui existait dans les années 90, qu'on reprend parce que c'est quelque chose qui nous colle à la peau. On ne doit pas se tourner par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on fait des recherches sur Internet, ce qu'on retrouve associé à La Réunion, c'est cette notion d'intensité. Voilà. Mais une intensité qu'on a travaillée de façon différente. On est intensément nature, gastronomie, bien-être, préserver intensément ensemble. Le vivre ensemble est aussi important à La Réunion. Donc c'était cette intensité d'expérience qu'on a voulu décliner dans cette nouvelle signature. Je pense que très honnêtement, l'île intense a fait son chemin dans les années 90. On revient dessus, ce n'est pas un hasard. On se dit qu'à minima, ça va durer 5-6 ans. Mais moi, le seul vœu que je fais aujourd'hui en tant que réunionnais, en tant que professionnel du tourisme, c'est que l'île intense reste attachée à La Réunion à jamais. Il faut qu'on reste absolument sur cette signature. Willy Etève, le directeur général de l'île de La Réunion Tourisme, répondait à Julie Straboni. Intense comme cette matinale avec Isabelle et Mickaël. Oh, c'est magnifique. Cool, magnifique, bon, attention. Ça, hein. Ça vous a donné un petit coup de crème ce matin, dis donc. C'est vous, Cécile, qui devriez être à l'IRT, hein, avec ces slogans. Merci. Bon. IRTT, j'entends dans mon casque. Non, merci, c'est pas bien, madame. C'est pas bien, on passe faire des amis. C'est la voix du studio qui dit IRTT. Moi, je trouve ça très drôle. Merci. Merci, allez, Cécile. Salut. Aïe, aïe, aïe. 5h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Et Mickaël, beaucoup moins drôle, les hauteurs et l'Est, eh bien, devront faire avec les nuages. Alors l'Est ce matin, comme hier, comme avant-hier, quasiment, vers donc Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, Saint-Trois, Saint-Philippe, là on sera sous les nuages avec quelques averses, ça devrait se dégager au fil des heures, mais on alternera entre nuages et éclaircies sur ces régions. Ailleurs, le ciel sera dégagé, des éclaircies prédominantes sur l'Ouest et le Sud, notamment, alors que sur les hauts, ça va se charger très très rapidement et cet après-midi on devrait avoir un ciel à peu près gris partout dans les hauts de l'île. Le littoral, lui, conservera des éclaircies, sauf peut-être entre Saint-Gilles et le port où les nuages vont déborder. Et puis dans l'est, ça sera toujours difficile. Hein. Donc on aura plus de nuages que d'éclaircies vraisemblablement. Le vent soufflera 50 km/h sur Saint-Denis et 60 sur Saint-Pierre. Les températures, elles, grimperont jusqu'à 27 degrés cet après-midi. Il fait 7 au volcan ce matin et 10 à la plaine des Cafres. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, 5h42 aujourd'hui, on est le vendredi 23 septembre. Et aujourd'hui c'est une journée importante. Ah bon? Eh oui. Dites-nous, pourquoi. Dis-moi pourquoi Isa. Parce qu'il va y avoir un chanceux ou une chanceuse. Ah oui, c'est vrai, qui partira en croisière? On va connaître son nom avant 8h et avec la personne de son choix, cette personne va aller en croisière sur un catamaran, catapassion, catafantastique. Mais seulement s'il a posté sa photo de petit déjeuner. Mais ça commence à démarrer là, oui, ce Fabrice, matin. Hein. Fabrice qui a envoyé deux oranges et de la confiture. Voilà, comme quoi, et tu vois, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour un bon petit déjeuner. Ça suffit, on ne vous demande pas de sortir tout le frigo. Hein, ah vous... non. Puis vous pouvez poster aussi la photo avec les gens avec qui vous faites le petit déjeuner. Voilà, et tirage au sort pour tous ceux qui ont participé avant 8h pour savoir qui a gagné. Et avec croisière et découverte, vous gagnerez tout à l'heure votre petit déj comme tous les matins. Et avant 6h, on vous filera aussi vos places de concert parce qu'on a envie de vous ambiancer le week-end le 7 octobre prochain. Oui. On va craser Maloya avec l'Indigo. Exactement. Cassia, l'Indigo sur scène. Des invitations gagnées au 02 62 99 2000. Pas tout de suite, hein. Nova Diazote, quand il faut téléphoner, affole pas. Non, pas longtemps. Dans pas longtemps, d'ici là, on aura le marché avec Prisca. Exactement, du côté de Saint-Paul aujourd'hui. À Saint-Paul, et puis le titre que l'on vous passe depuis la semaine dernière, c'est une exclue Réunion Première. Ça veut dire qu'on n'a rien qui s'y entend ça pour on le moment. On l'avait hier au téléphone, on l'a réveillé. Oui, et c'était un exploit. On l'a réveillé, oui, c'est un exploit, effectivement. L'album sort aujourd'hui, nouveau départ dans toutes les Fnac de France et de La Réunion. Ça s'appelle Mon Étoile. Et c'est en duo avec Anouchka. Eh oui. Pixel sur la première. Pixel en exclusivité sur Réunion Première. Écoute Mon Étoile avec Anouchka. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Entends ma voix et sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence, réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible et m'y connaît maintenant. M'y paie contre Silly. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là, juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la voir. Je suis sûr qu'il y a de nombreux marmailles qui aimeraient succéder à Anouchka pour la deuxième saison de Kid Créole. Eh ben c'est possible, Mickaël. Il suffit de s'inscrire sur le www.kidcreole.re. Anouchka, 9 ans, est déjà, vous voyez, en tête d'affiche avec les Pixels. C'est la première gagnante et je titre mon étoile sur première. Bon réveil, à tout de suite, on va sur le marché. Au cœur de la Réunion avec Sonia. Passez une petite heure ensemble pour cette émission qui est la vôtre. Vous donnez des idées de sortie. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre belle île? La fête des gens, et fait des démonstrations, comment on fait le curcuma, la rougoute. Sachez que ça bouge à côté de chez vous. Au cœur de la Réunion avec Sonia. Samedi et dimanche, de 9h à 10h, sur Réunion Première. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kaloubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kaloubang.re. Première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et ce vendredi, nous les Saint-Paul, Prisca ou Léla? Oui, nous les là, Patrick les là. Salut Patrick. Léla, Catherine les là, Thierry. Ah oui, il y a du monde. Tout le monde est là. Il y a du monde. Et c'était un grand marché, hein, celui de Saint-Paul, puisqu'en fait, il se tient sur deux jours. C'est le vendredi et le samedi. C'est vrai. Patrick, où vient demain aussi? Bonjour. Bonjour. Vous serez là demain? Demain, non. Non, uniquement ce vendredi. Vendredi, mais normalement, on n'y viendra pas, c'est dimanche. Bah oui, oui, parce qu'en fait, vous êtes agriculteur et en même temps vendeur. Oui. Donc vous venez de la plaine des Caves, là, ce matin. De la plaine des Caves, dans la fraîcheur, oui. Peut-être, il fait frais ou quoi? Un petit peu. Combien de degrés? Ah ben là, ce matin, il faisait 5-6. Ouh là là, comment est-ce que vous faites, justement, pour vos plantations, votre maraîchage, quand il fait froid comme ça? Ah ben, il y a Léon, il fait avec, hein. Ouais. Bah oui. Ça craint pas? Si, un petit peu. Mmh. Oui, il pousse un petit peu moins vite. Et... Il y a eu des gelées blanches là, ces derniers jours? La semaine dernière. Cette semaine, non. Ça a eu des conséquences sur votre plantation ou pas? Non. Et en plus, les légumes de Thierry, de Patrick et de Stella, ils sont beaux. Ils sont beaux, Patrick, ça donne envie de manger. Comment il les protège? Comment il les protège, ces légumes, quand il y a des gelées comme ça? Ben non, il ne protège pas, il est à l'air. Ah ok, carrément. Il va donner la chance. Bon, tu fais son œuvre, c'est ça. Bah oui. Mais c'est déjà arrivé que vous perdiez vos plantations à cause du gel? Ben oui, les salades, oui. Ah ouais, oui, voilà, c'est ça. Non, les chouchous, les salades, les goujettes, tout ça, on ne peut pas planter en hiver. C'est le cas, là, ce vendredi? Pourquoi? Ben vous avez eu des pertes dans vos champs? Non, pour ces là, non. Non, ça se voit, parce que là, la table, elle est bien remplie. Oh, ben c'est parfait. Et Patrick, il a ramené des blettes de couleur. Mmh, on en a parlé la dernière fois. Ouais. Exactement. Comment vous faites pour... Alors, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du violet. Comment vous faites pour les avoir de cette couleur-là? Non, ben on prend les graines. C'est les graines qui ont mélangé ces couleurs. Et ça doit être joli dans le champ, non? Bah oui. Ouais, ça se mange comment, ça? En salade, en gratin? Ah, il fait en bread. En bread. Le bread chouchine chinois, ou bien en quiche. Et ça donne de la couleur hein, dans vos assiettes. Et si vous avez envie de vous lancer dans des cuisines improbables, Patrick a ramené aussi des bâtons de rhubarbe. Voilà, la rhubarbe. Bâtons de rhubarbe. Et puis Patrick, il est originaire de Grand Bassin, mais il n'a pas un petit casse bibasse dans son Grand Bassin. À ce qui paraît, c'est les meilleurs du monde. Oui. C'est vrai? Bah oui, c'est les meilleurs, voilà. Ça peut arriver. Mais comment ça fait? Comment ça t'y fait? Parce que dans le fond Grand Bassin, il n'a pas la route. Comment ben il fait pour remonter le bandit basse en Léa? Ben il monte dans le mont de charge. Ah, ben ça c'est chouette. Hein. Voilà. Du coup... Ben oui, avant il faisait à pied, mais comme là, il a le mont de charge, il est en mont de charge. Ben, ça va plus vite. Ben oui. Il y en a plus. Beaucoup plus vite, oui. Ça fait baisser le prix ou pas? Ben pas si tant. Bon, il dépend de la saison. La saison, il saute un peu, on baisse un petit peu le prix. La saison, ben on voit un peu le prix. Oula, dis-moi cette année, le bon pied bibas. La chargée. Et le prix un petit peu plus bas. Ouais, ben. Combien la barquette de bibas? 1,50€. Allez, on va chercher ici à Saint-Paul. 1,50€. Et tout à l'heure, on va parler de manque de pain. Vous connaissez ça, Patrick? Le manque de pain. Mm-hmm. Manque de pain. Avec Catherine. Eh ben, alors. À tout à l'heure, Prisca. Les parrais, les avocats sans grain. Eh ben, on parle de tout ça. Salut, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Bon, c'est le moment où on rejoint DJ Fou et où on joue. Exactement. Grand matin, le mixeur. Allez, dernier mix de la semaine. Oui, alors. Dernier. On vous prévient, il était love hier. Voilà, il était amoureux. C'est DJ ça. DJ Fou. Oui. Et je suis sûr qu'il va nous sortir un truc bizarre. Bon. Je le sens. Alors écoutez bien, on va vous diffuser le mix de DJ Fou. Va falloir trouver les deux extraits. Qui ça y chante ou bien c'est quoi la chanson ? Titre ou artiste, hein, c'est à vous de choisir. Et puis si vous savez pas trop, bah vous nous appelez quand même. C'est parce ça. Qu'à la clé, il y a quand même deux invitations pour Enfants Zilois, le concert avec l'Indigo, Désiré François. Mm-hmm. Ce sera le 7 octobre prochain, on vous offre les places avant tout le monde. Et c'est pour vous, vous êtes les invités privilégiés de ce concert. Donc avec nous, Ensemble Zot, le 7 octobre prochain. Ça même. À condition de trouver ce mix. Oh, trop dur pour un vendredi, ouais. Ça. Il s'appelle Thierry. Ouais. Pas Patrick, mais Thierry. Dis pas trop. Thierry G. Ils en nous donnent. Appelle toi, Tigal. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis alors, le premier, on connaît. Thierry Gutin, BR, n'importe quoi. Non, mais j'ai peur. J'ai peur du deuxième. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Notre amour. Sans nous retourner, le pas l'été. Aïe, aïe, aïe, les amis. Mais DJ Fou, t'es vraiment fou. Partir un jour. Ouais, partir un jour. Bon, le titre est dedans en fait. Hein. Si vous n'avez pas l'artiste. Partir voilà. Un jour. Le titre, c'est Partir un jour. Alors. Bon, allez, 0262 99 2000. Il y a vendredi. Un titre que vous connaissez c'est forcément. Cadeau, l'artiste, c'est cadeau. Et puis le deuxième, bah, le titre, on vous l'a donné. Hein. Ah bah oui. Il suffit d'écouter. Au moins N. Allez, c'est parti. On va du côté du standard. Allez, allô. Allô, allô. Bonjour. C'est Guylaine qui est avec nous. Coucou, Guylaine. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Guylaine. Guylaine. Guylaine de la Possession. Attends, Mr. Hotline. Oui, Guylaine. On n'a pas toute notre vie non plus. Hein. Bon. Thierry Golery, service cabaret. Oui. Okay. Et deuxième. Partir un jour. Et voilà. Vous vous rappelez de qui chantait Partir un jour ? Mais là, doute entre deux. Il y a To Be Free. C'est To Be Free. Là, c'est pas besoin d'avoir de doute, ma fille. C'est gagné. Bravo, Guylaine. Félicitations. Les invitations pour le concert Enfants Zilois au petit stade de l'Est au début du mois d'octobre, le 7, pour être précis. L'époux, Cassia, l'Indigo, l'ambiance, 3 heures de spectacle, tout ça, et vous serez dans la foule. Oui. En délire. Et il n'y aura pas les To Be Free. Il n'y aura pas les To Be Free. Ben non. Enfin, en même temps, ils peuvent plus, hein, parce qu'il y en a un, malheureusement, qui est plus de ce monde. Salut Guylaine. Bisous, merci, bisous. Bon réveil, bon réveil avec nous, salut. Bonne journée. Première. Il est 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Waro Marco Gilbert. Monsieur Waro Marco Gilbert, le décès est survenu mercredi à l'âge de 67 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire du Sud. L'inhumation aura lieu au cimetière de la rivière Saint-Louis. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Waro Louise Marie Martha. Madame Waro Louise Marie Martha, le décès est survenu hier à l'âge de 89 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 21 rue Saint-Joseph Ouvrier au Camélia Saint-Denis à 9h. La bénédiction aura lieu en l'église Saint-Joseph Ouvrier au Camélia à 9h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Prima. Décès de Monsieur Naminzo Léonus. Monsieur Naminzo Léonus, le décès est survenu mercredi à l'âge de 89 ans. Le convoi mortuaire sortira cet après-midi 14h45 du 7 CD25 à Stella à Saint-Leu. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Leu à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Cloratre, Laurent Jean Eddy. Monsieur Cloratre, Laurent Jean Eddy. Le décès survenu le 17 septembre en Loire-Atlantique à l'âge de 36 ans. Le corps sera rapatrié à La Réunion dimanche. La veillée aura lieu au 38 chemin Tour des Roches à Grande Fontaine à Saint-Paul. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse lundi. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Buisson, Pierre-Philippe. Monsieur Buisson, Pierre-Philippe, le décès est survenu mercredi à l'âge de 69 ans. La veillée aura lieu aujourd'hui à partir de 9h au centre funéraire sud. La bénédiction aura lieu à 11h30. La crémation aura lieu au centre funéraire sud. Décès de Madame Gastrin née Renée Marguerite Marie Suzy. Madame Gastrin née Renée Marguerite Marie Suzy, le décès est survenu mercredi à l'âge de 66 ans. Le convoi mortuaire sortira de la salle mortuaire de la Possession aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église Saint-Pierre-Apôtre du port à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de la Possession. décède Madame Veuve Tatel, née Nivelle Irénée. Madame Veuve Tatel, née Nivelle Irénée, dite Cernée. Le décès est survenu hier, à l'âge de 88 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 32, impasse des Mangles, à Bois de Neuf, Saint-Paul. Aujourd'hui, la date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès Madame Varda Pin, née Manicon Ramassami Yolande. Madame Varda Pin, née Manicon Ramassami Yolande. Le décès survenu hier à l'âge de 71 ans. La veillée se tient actuellement au centre funéraire de Prima. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui du centre funéraire. La bénédiction aura lieu à 14h en la chapelle du centre funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière paysager du port. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Mickaël, cette information émanant de l'établissement français du sang. Oui, avec une collecte de sang qui va encore avoir lieu aujourd'hui au lycée Louis Payen à Saint-Paul de 8h30 à 12h30. Donc donnez votre sang si c'est possible pour vous, c'est important pour les malades et tous les accidentés. À 6h, c'est le journal avec Florent Marot, comme d'habitude, pour en savoir plus sur l'actualité de ce 23 septembre. Et puis continuez d'envoyer vos petits déjeuners sur la page Facebook. Et il y en a plein qui le font. C'est important pour repartir avec votre croisière avant 8h. C'est promis, il y aura un grand tirage. Oui, on va aller se balader sur la mer et ça sera pour vous en privilégié. Un voyage sur la mer, comme il dit. Comme il dit Prisca. Grégoire, avec Danse, sur Première, excellent réveil, La Réunion. Bonne journée, merci d'être avec nous chaque matin, entre 5h et 8h. C'est Grand Matin. Ce rêve auquel tu crois, dis qu'en restera-t-il si tu ne bouges pas. Dis qu'en restera-t-il si tu traînes chez toi, dans l'angoisse inutile si tu ne chantes pas. Dis qu'en restera-t-il de tes éclats de rire. Dis qu'en restera-t-il et tes si beaux délires. Dis qu'en restera-t-il à toujours te complaire, dans ce qui est futile, tout ce que tu espères. Dis qu'en restera-t-il, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse, danse avec moi, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse, et danse avec toi cette envie d'être libre. Dis qu'en restera-t-il, tout ce pour quoi tu vibres. Dis qu'en restera-t-il, si tu dis j'abandonne, comme font les imbéciles, la douceur qu'on se donne. Dis qu'en restera-t-il, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse, danse avec moi, allez, danse, danse ta vie, danse, allez, danse, et danse avec toi tous ces baisers brûlants. Dis qu'en restera-t-il et nos yeux t'adorant. Dis qu'en restera-t-il si nos journées danse avec moi, allez danse Florent. Faut pas nous le dire danse. Deux fois nous hein. Florent Marot, allez danse. Bah, danse Florent, ouais, il danse, ouais, bah, il danse, enfin il bouge en fait. Hein. Ah, ouais. Pas pareil, non plus, hein. Pas tout à fait pareil. Oh là là, comment tu es? Il est 6h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est peut-être le procès le plus attendu cette année. Gérard Govindamal est jugé aujourd'hui à Saint-Pierre pour plusieurs vols de coffres-forts. L'affaire avait défrayé la chronique l'an dernier. L'homme d'affaires et 11 de ses complices sont soupçonnés d'avoir organisé une dizaine de cambriolages. Lui avait lancé sa petite entreprise de production de cannabis à la Ravine des Cabris. Anthony Rivière a été mis en examen et écroué hier pour trafic de stupéfiants. Il avait chez lui 2000 pieds de mal et pour 20 000 euros de matériel professionnel. Une dictée pour lutter contre les leucodystrophies. L'association ELA a démarré sa campagne hier à Saint-Denis. C'est Jean-Laurent Faubourg qui a lu le texte de Catherine Pancol. Réaction dans ce journal. Et puis le Caloubang 2016 démarre à 20h ce soir au Parc des Expositions de Saint-Denis, au programme Loïc Teicher, Qu'il tire, entre autres, ainsi que le britannique Flox. Nous l'entendrons à la fin de cette édition. L'homme d'affaires est très connu à Saint-Pierre, vice-président de la Saint-Pierroise, propriétaire de plusieurs restaurants. Gérard Gauvin-Damal est jugé aujourd'hui à Saint-Pierre pour plusieurs vols de coffres-forts. L'affaire avait fait grand bruit l'an dernier. 11 complices sont également attendus à la barre. Tous forment ce que l'on avait appelé le gang des voleurs de coffres-forts. Gérard Gauvin-Damal aurait organisé une dizaine de cambriolages, notamment à Carrefour et dans la maison de la propriétaire de Vic Delis. Pierre Comorassami. Le gang des voleurs de coffres-forts subit un premier coup d'arrêt en septembre 2015. Dans la nuit du 7 au 8, Olivier Beck, Grégory Moulouk et Stéphane Vienne entreprennent de dévaliser plusieurs boutiques de la galerie commerciale Carrefour à Saint-Pierre. Ils dérobent 200 paires de lunettes et des bijoux. Le cambriolage tourne mal, les trois malfaiteurs sont arrêtés et dès le départ, l'enquête vise Gérard Gauvin-Damal. L'homme d'affaires, très influent dans le Sud, serait la tête pensante de ce vol, ainsi que plusieurs autres vols de coffres-forts commis depuis le début de cette année 2015. Arrêté à l'aéroport de Saint-Denis alors qu'il s'apprête à quitter l'île en compagnie de sa femme, Gérard Gauvin-Damal reconnaît être à l'origine du cambriolage de Carrefour, mais pour les autres casses, il soutient n'y être pour rien. Quant aux 11 membres du gang, ils sont impliqués dans les casses des salaisons Macuen au tampon, Otibel et Fongnian à Saint-Pierre, ainsi que plusieurs autres vols et tentatives de vol. Et la femme de Gérard Gauvin-Damal sera aussi au tribunal aujourd'hui. Elle est poursuivie pour recel de biens provenant d'un vol aggravé. Lui cultivait du zamal dans sa maison à la Ravine des Cabris. Anthony Rivière a été mis en examen et écroué hier pour trafic de stupéfiants. Et ce n'est pas un amateur. Les forces de l'ordre ont retrouvé chez lui près de 2000 pieds de zamal, des têtes séchées, mais aussi pour 20 000 euros de matériel, des armoires, des lampes à infrarouges, des extracteurs d'air. Le jeune homme de 23 ans, horticulteur de formation, s'était construit un véritable laboratoire de cannabis. La petite entreprise a été démantelée, mais l'enquête continue. Les forces de l'ordre veulent savoir si Anthony Rivière a agi seul ou s'il avait des complices. Laurent Zukovic, procureur de la République. Des policiers vont continuer à travailler sur commission rogatoire du juge d'instruction pour savoir qui se trouve d'un bout à l'autre de la chaîne, parce qu'il y a un matériel très important qui a été investi. L'intéressé parle de 10 à 15 000 euros de matériel investi. Du matériel que les amateurs de culture de cannabis utilisent, c'est-à-dire des armoires qui permettent la culture indoor, des lampes, du matériel d'extraction d'air, des produits phytosanitaires. Et puis, dans un premier temps, il nous a indiqué qu'il en était à sa première culture, alors que dans un deuxième temps, il nous a indiqué que ça faisait quand même quasiment un an et demi que la production grossissait. Laurent Zukovic, procureur de la République, au micro Réunion Première de Pierre Comorassami. Il avait tenté la mobilisation citoyenne sans grand succès. Le collectif Simandef a donc tenté la voie judiciaire, mais il ne se fait pas beaucoup d'illusions. Le collectif était hier devant le tribunal administratif pour contester la vente de l'ex-future médiathèque de Saint-Paul à la région. Problème, les arguments n'ont pas du tout convaincu le rapporteur public et son avis est très souvent suivi. Une satisfaction pour l'avocat de la mairie de Saint-Paul, tout droit venu de Nantes, maître Johan Lecomte. Ce que je retiens, c'est que le rapporteur public rejette intégralement toutes les conclusions des quelques habitants. Il a bien mis en avant le fait, et nous l'avions soutenu ainsi que la région, que de toute façon, la vente est légale. On a respecté toutes les procédures. Elle est motivée par l'intérêt général et il n'y aura pas d'atteinte à la culture comme il a été soutenu à l'audience. Le projet ayant des coûts de fonctionnement trop importants pour être maintenu, cela a été changé. D'autres projets plus locaux, plus proches du territoire, seront réalisés par la commune à la place de cette médiathèque. De même, la région, en lieu et place, va développer un conservatoire. Donc, en aucun cas, il y aura une fermeture d'un accès à la culture pour les habitants de Saint-Paul. Maître Johan Lecomte, avocat de la mairie de Saint-Paul, dans le dossier Simandef, interrogé par Bruce Régent. La décision du tribunal sera connue le 22 octobre. Autre collectif, celui qui s'est créé à Saint-André contre l'exploitation de la carrière de l'Ermitage dans les Hauts, à Bras de Mousseline. Le projet prévoit de fournir 7 millions de tonnes de roches massives à la nouvelle route du littoral, mais les habitants du quartier sont contre. L'enquête publique est terminée. Depuis hier, une vingtaine de riverains ont remis une pétition au commissaire enquêteur. 6h06 sur la première. Suite du journal Florent Marot. Et c'est parti pour la campagne de collecte de l'Association européenne contre les leucodystrophies. Et là, elle a organisé hier sera traditionnelle dictée à l'école La Chaumière à Saint-Denis. Mais ce sont bien 22 établissements scolaires au total qui se sont engagés. Hier, pour commencer, donc, c'est Jean-Laurent Faubourg qui a lu le texte de Catherine Pancol. Jean-Laurent Faubourg qui a accueilli ce moment de partage avec les malades comme un cadeau. Moi, je suis content de donner un petit coup de main quand l'occasion est présente, toujours. Tout le monde est plus normalisé que nous. Mais que là, en plus, on a repris mes premiers amours d'instituteur. Donc, du coup, je me retrouve l'école avec plaisir, je me retrouve Marmaille avec plaisir, les gaillards. Pour moi, c'est juste rouvre les yeux, rouvre le cœur de chez Demoun, quoi. Ben voilà, moi, elle est là, allons causer là-dessus, allons partager un moment là-dessus. Mène un peu de sourire. Hein. On est content dès qu'ils demandent à nous pour faire un affaire, que ce soit moi, Marie-Alice, Thierry. Tenez, quand on a l'occasion de donner la main, nous donne la main, quoi. Les gaillards, ça. Déjà, bravo les enfants. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi professeur des écoles, mais que la moitié de la semaine. Et je trouve que vous êtes dans une très belle écoute. Donc je vais lire la dictée une fois en entier, comme il est de coutume. La dictée est écrite sous forme de dialogue. Le titre, c'est « Quand on veut, virgule, on peut ». L'humoriste Jean-Laurent Faubourg au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. On passe au sport avec d'abord du handball et ce match avancé de la 7e journée de championnat. Château-Morange, le leader, reçoit à 21h15 ce soir le Saint-Pierre HBC. Saint-Pierre 4e au classement. Et puis en basket, deux matchs ce soir pour le compte de la 4e journée. Étang-Salé Tampon et Saint-Paul 1, Saint-Paul 2. On termine avec de la musique, celle du Kaloubang. La 6e édition démarre ce soir à 20h au Parc des Expositions de Saint-Denis. De nombreux artistes locaux seront présents, Loïc Técher, Kiltir entre autres, mais aussi des artistes de l'extérieur comme le haïtien Beethoven au bass, le martiniquais Kalash ou bien Flox. Nadine Bachelot a rencontré le batteur britannique, il s'inspire beaucoup des sons reggae et c'est la 3e fois qu'il vient à La Réunion. La Réunion, ça me parle parce qu'il y a un espèce de mélange, melting pot de culture et de style, donc ouais, ça me parle bien ici. Vous allez participer au Kaloubang, qu'attendez-vous d'une telle manifestation musicale ? Je suis venu en 2007 au Sakifo et j'avais sorti mon premier album l'année d'avant et on va dire que je suis batteur de formation, donc je me suis retrouvé un peu devant un micro. Et donc quand je suis venu en 2007, j'étais pas forcément prêt pour l'ampleur du festival et là j'ai une petite revanche sur La Réunion parce que je sais que je suis pas mal écouté ici et donc ce que j'attends, c'est de donner un gros show. Je suis ravi de venir ici parce que je sais qu'il y a un public qui est là, qui m'attend. Parlez-moi de votre dernier album. Alors, dernier album s'appelle Homegrown, je chante en anglais. Homegrown qui veut dire fait à la maison, fait avec amour, petite connotation végétale aussi. C'est un clin d'œil aussi au fait que je fais ma musique tout seul, je la produis tout seul, que ce soit des tomates ou de la musique chez soi pour partager avec les autres. L'artiste Flox, interrogé par Nadine Bachelot. Mauvaise nouvelle. En revanche, La Fouine, une des têtes d'affiche, s'est désistée à la dernière minute. L'artiste tourne un film en ce moment. Kaloubang, c'est donc tout ce week-end au Parc des Expositions. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on va aux États-Unis avec Édouard Marguier. Cette nuit encore, les habitants de Charlotte au sud-est des États-Unis n'ont pas le droit de sortir de chez eux. C'est le début de la nuit là-bas, heure américaine. Couvre-feu à nouveau décrété pour la 3e nuit consécutive. Les autorités ont du mal à contenir les manifestants en colère après la mort d'un homme noir tué par balle par un policier. L'armée a été mobilisée ce jeudi dans la ville pour éviter de nouvelles émeutes. Aux États-Unis, des pirates informatiques ont visé l'entreprise Yahoo, 1,5 milliard de comptes. Yahoo ont été hackés, annonce la firme américaine. Selon elle, l'auteur est lié à un État, sans en dire plus. Le vol des données concerne des informations personnelles, nom des clients, date de naissance, numéro de téléphone, mot de passe. Mais les données bancaires des utilisateurs n'ont pas été affectées, assure Yahoo. Les pays ne s'entendent toujours pas pour sortir la Syrie de la guerre. Le groupe international de soutien aux pays a terminé sa réunion sur un échec à New York. Les États-Unis demandent à la Russie d'être sérieuse pour rétablir un cessez-le-feu. La France estime que la réponse des Russes aux demandes internationales n'est pas satisfaisante. Et la Russie a tout simplement dit qu'il ne s'est rien passé pendant cette rencontre. Les diplomates russes et américains se revoient ce vendredi pour une autre tentative. Un meurtre qui semble être un règlement de compte en Corse cette nuit. C'était cette nuit à 1h du matin. Un automobiliste est mort après avoir reçu des tirs d'une arme automatique au sud de Bastia. L'homme était connu des services de police. Il s'agit du 12e homicide sur l'île de Beauté depuis le début de l'année. Un ancien membre du GIA algérien arrêté en Suisse aujourd'hui alors qu'il était recherché depuis 15 jours par la police française. Il s'appelle Merwan Benhamed, 42 ans. Il s'est rendu chez nos voisins pour y demander l'asile. Il est impliqué dans les filières tchétchènes soupçonnées de préparer des attentats à Paris. Il avait été condamné pour ça à 10 ans de prison. C'était en 2006. Il était assigné à résidence en Mayenne et il s'oppose à son extradition vers la France. Le ministre français de la Défense est aujourd'hui en Inde avec le patron de Dassault Aviation pour signer le plus important contrat de vente du chasseur Rafale à un pays étranger. Il s'agit de 36 avions de chasse qui vont être achetés par l'Inde. L'Inde qui cherche à moderniser sa flotte aérienne vieillissante. 6h12 sur la première. Même couleur du ciel que ces derniers jours. Quand le journée, là, il s'est levé aujourd'hui. Pareil, gris dans l'est, bleu ouais. Dans l'ouest et le sud, c'est un peu toujours pareil. Ouais. Puis le nord et le sud sauvage sont un peu les frontières entre ce temps gris et ce temps bleu. À Saint-Joseph et Saint-Denis, on voit au loin le gris et puis au loin le bleu. Donc on est un peu entre les deux, de ces deux types de temps, avec des averses possibles encore sur Saint-Benoît, Saint-Philippe et Sainte-Rose en début de matinée. Les éclaircies devraient revenir, mais enfin plus difficilement sur la côte est. Et puis sur les hauts, ça va se couvrir à la mi-journée. Et là, on n'est pas à l'abri d'une averse aussi sur les hauts de l'ouest entre la Possession et la région de Saint-Leu. Ces nuages qui ont tendance à déborder entre la région du Port et celle de Saint-Gilles, partout ailleurs sur le littoral. Et bien alternance de nuages et d'éclaircies avec plus de nuages dans les températures qui atteindront 27 degrés sur l'ouest, l'Ermitage cet après-midi, puis on aura du côté du volcan 16 degrés et 17 à la plaine des Cafres. Voilà pour le temps d'aujourd'hui, 23 septembre. On va filer sur les routes dans un instant avec Yves Gruyer. Oui. Bah il est là. Oui, bon, bah tout va bien. Bonjour Yves. Allez, c'est parti. Salut Yves. Bonjour Yves. Michael, bonjour Isabelle. Très heureux de vous retrouver sous ce ciel couvert sur Saint-Denis. Des travaux qui sont en train de se terminer. Enfin, la peinture est réalisée en bas de la route de Saint-François, boulevard Saint-François. Il restait un tronçon de marquage à réaliser. Ça a été fait dans la nuit. Il y avait encore un peu de séchage il y a quelques minutes. Et la circulation se faisait avec une voie de neutralisée en attendant que le passage piéton soit sec. Alors, ça ne devrait pas plus trop tarder. Normalement, c'est peut-être même déjà fini à l'heure où je vous parle. On attend également des nouvelles de ce chantier autour de la rue Bertin-Rue Malartic et de la rue Ruisseau des Noirs, parce que ça fait 15 jours que les enrobés sont prêts à être tirés, puis on n'a toujours pas fait. Alors c'est vrai qu'il y avait encore un peu de finition sur le carrefour Bertin-Malartic, sur la partie ouest de ce carrefour. Alors peut-être qu'on attendait ces travaux pour réaliser ce chantier qui devrait se faire normalement de nuit pour éviter de perturber le trafic en journée, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, notamment en rue Ruisseau des Noirs et sur la rue Malartic. En ce qui concerne les petite marque jaune que vous avez pu voir sur les trottoirs, jaune fluo, hein. Ben c'est pour le trail urbain qui se déroulera demain dans les rues du centre-ville, grosse rue du centre-ville, même très élargie, hein, parce que ça va vers le Camélia et puis ça part donc vers la Redoute, ça passe par le bas de la rivière, ça passe au niveau du centre-ville, donc beaucoup de coureurs à pied et puis des signaleurs, et il faudra parfois patienter au niveau du boulevard Sud, notamment lors de la traversée de ces coureurs demain comme chaque année pour ce trail urbain qui se déroule le samedi soir. Voilà, très bonne route avec la première. Ça circule pas trop mal, il y a des bouchons quand même déjà à hauteur de la tranchée couverte et un petit peu avant cette tranchée couverte en haut du viaduc de Saint-Paul, et un trafic très dense du côté de Quartier Français et jusqu'à la Ravine des Chèvres. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Il faut qu'on soit prêt pour notre course aussi, Anno. Le dimanche 2 octobre, le relais de Saint-Denis. Ah oui, parce que ça fait un team. Ouais. Un team grand matin. Vous pouvez venir nous encourager. Parce que ça fait un team. Ouais. Un team grand matin. Vous pouvez venir nous encourager. Ouais. Voilà. Donc, on va la constituer. Et puis, d'ailleurs, si vous aussi voulez participer avec nous, venez nous encourager au relais de Saint-Denis. Il n'y a pas de problème. Ce sera le dimanche 2 octobre. Non, mais si par hasard vous êtes un sportif chevronné, venez dans notre équipe. C'est pas mal aussi. Ça peut nous aider. Comme ça, on peut peut-être y arriver. Un peu plus parce qu'on est un peu mal barré, hein, je peux vous le dire. Il n'y a que des grands sportifs dans notre équipe. Des grands sportifs, voilà. Genre moi, genre Isa, voilà. Oui. On est à fond, là. On est à fond à bloc, dimanche 2 octobre. Ça va cartonner, moi je vous dis. 6h20, On ira sur le marché de Saint-Paul, ce marché qui est sur deux jours. Exactement, des photos des blettes à voir sur Facebook, on en parlera tout à l'heure avec Prisca. Puis à la rencontre des gens qui font le marché le matin, des expériences de réunionnais, c'est toujours sympa, il y a toujours une histoire insolite à nous raconter du côté de chez Prisca ou Priscus, ça dépend. Oui. Pour les intimes, c'est Priscus, Priscus la philosophe. Et puis avant 6h30... Philosophe du dimanche, hein, pas non plus théorie de philosophie. Oui, pas non plus déconner. Avant 6h30, le journal, on vous offrira 20 € aussi à mettre dans le porte-monnaie. Exactement, un bon d'achat donc chez Espace Fraîcheur, ça se passe au 02 62 99 2000. On fait un coucou à Patricia Dubroulet, tiens. Oui. Bisous à elle, bisous aussi à Benjamin qui est par SMS là au soir 06 92 70 2000. Ça même. Salut la compagnie, Tiana, c'est grand matin. Pour mettre dans l'ambiance. Allez, les parties, bon réveil. Si mon vision est différent, ma nana comme la pression que le monde les méchants. M'y connais pas, s'il faut rire ou il faut fuir. Tout le monde nous croise l'un là, toujours un affaire pour dire. Où bonheur dérance, mais où tout malheur y avance à saute. Chaque fois couler là, son talent y s'abat et c'est comme ça. Où bonheur dérange, mais où tout malheur y avance à saute. Chaque mot où sort, vous l'êtes toujours tôt. Aïe aïe aïe, à soi, mis à danser, mis à mettre tout ça de côté. Allez, casse, gaste, allez, qui maloya. Moi nana comme l'impression que le monde les méchants. M'y connais pas, s'ils font rire ou il faut fuir. Tout le monde nous croise nana, toujours un affaire pour dire. Pour que s'occuper de la vie des gens d'à côté. Tu ramasses, tu délaisses, tu dévends, tu racontes, j'en ai assez. Pourquoi s'occuper de la vie des gens d'à côté. Ça cadence. Tiana, avec t'as bassé à peu près l'ambiance de Tiana quoi. T'as cadencé sur première. Bon réveil à tous, bonne journée. C'est le moment d'appeler 02 62 99 2000. Faut pas que tu fasses ça toi. Oui je sais. Ça fait peur ton truc. Ça fait peur, hein, je sais. Moi aussi ça m'a fait peur d'un coup. Allez. Bon. Ouais, comme quoi, il faut mieux rester dans son rôle quand même. Hein. Ouais. 0262 99 2000. On n'a pas peur du ridicule ici. Heureusement. Ne vous inquiétez pas, heureusement. 20 € à vous mettre dans la poche, c'est maintenant. Oui, et ça, c'est super sérieux. Là, par c'est contre. Oui, là, c'est super. Bon, désolé. Je m'excuse. Allez, à tout de suite. Ne refais plus jamais non, ça. Non, je ne fais plus. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50. 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. C'est dans l'actu avec Philippe Dorny. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous, on est là de l'argent. Mais notre argent est dans la poche d'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorny, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Première. Direction le Standard, Espace Fraîcheur vous offre 20 € encore ce matin. Ah oui, un bon d'achat pour acheter des fruits, des légumes, ce que vous voulez. Ça a gagné. Alors, vous êtes nombreux à faire votre premier passage à l'antenne, c'est votre baptême de feu cette semaine. Mmh. Il y en a plein qui font leur baptême de feu. Bah, il y en a un encore ce matin. On est content que ce soit dans le grand matin, dis-donc. Bah, Stéphane qui est avec nous. Salut. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment il est? Ça va bien, merci vous. Ben ça va Stéphane, Stéphane des Camélias, vous aussi vous avez attendu longtemps pour venir chez nous là. Ah ben oui, ben c'est maman, maman m'a dit, bon je vais boire un café chez maman le matin. Oh ouais. Ça c'est sympa. Elle m'a dit ben, c'est pas spécieux, ben, comme moi j'aime bien les légumes et tout. Donc... Ah ben c'est parfait ça Stéphane. Stéphane, en plus on a besoin de force pour travailler dans le bâtiment, vous faites quoi dans le bâtiment? Ben, je fais un peu de tout. Des fois, des grosses œuvres, des fois, des maisons individuelles. D'accord. Ben, l'individuel, c'est très dur par rapport à les grosses œuvres. Ah, ben ouais, ça, on imagine. Ouais. Hein. Bah, oui, écoutez, Stéphane, bon courage. Aujourd'hui, on va bosser sur quel chantier, là? On va bosser où, Stéphane? Aujourd'hui? Stéphane, il est plus là, je crois. On a dû le perdre. Bon, Stéphane. C'est pas grave, on va vous rappeler, mais le bon d'achat de 20 euros chez Espace Fraîcheur, il est pour vous. Et vous en profiterez pour faire un gros bisou à maman. Et pour vous donner des idées, on va aller sur le marché. Bah oui. Bisous à maman, bisous à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Allez, c'est parti, on va sur le marché. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ah oui. Coué, Prisca, marché Saint-Paul. Oui. Bah oui, je suis en train de manger une bibasse. Ah, vous savez, la bibasse qui arrive de grand bassin, là. C'est excellent, c'est sucré. Et je suis en train de donner un coup de main à Catherine. Catherine, bah oui, on vend des bâtards ce matin. Bonjour Catherine. Comment il est Catherine? Non. Catherine, elle chante la chanson. Non. Comment ça va? Quelle chanson ça? On a monnaie, là? C'est quoi? Moi aussi j'en ai une. Oui. C'est le tube du marché pour un, en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est un nouveau tube. On va le mettre, là, en ligne. Bientôt. Bah, tout va bien, allez. Bon, on est en train de rendre la monnaie alors. C'est bon, Catherine, serve à elle, approuve à causer. Qu'est-ce qu'on serve, madame ou là? J'ai entendu là, elle dit arrête fatigue mon loyer. Bon, vous vendez là-bas de l'autre côté? Je crois que Catherine, elle vend des... Catherine, elle vend des saucisses. Non, c'est pas des saucisses. C'est des mangues saucisses. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Non, bah là, il appelle ça le mangue de pain. Ça alors, si on confond un mangue avec une saucisse, elle barrait. Non, mais en fait, nickel. On appelle ça mangue saucisse. Oui. Ah, elle est en grappe, Banaï. Sinon, mangue de pain. Ben, on appelle ça comme ça. Parce que Lionel l'a dit, mon saucisse à l'envers. Du coup, elle est troublée. Okay. Elle est un peu troublée, Catherine. Hein, bah, nous aussi, hein, faut Catherine, dire. Catherine, c'était pas pour bah ça oui, hein, qu'on Catherine, faisait. Elle parle dans le micro, elle rend la monnaie, elle sert les manques saucisses. Elle est polyvalente, Catherine. Bah ouais, c'est pas évident. Ah oui, on va essayer de passer le micro à Dominique. Mmh. Et tout le monde est dans la place. Hein. Ici, je vous l'ai dit, il fait beau à Saint-Paul. Bonjour, madame, comment elle est? Ah non, hein, laisse-moi. Largue mon loyer, vas-y. Hein. Laisse-moi tranquille, grand matin, là. Bon, bonjour Dominique, comment il est? Bonjour, ça va? Alors, faites-nous découvrir un peu cette mangue, mangue de pain, que Catherine est dans tous ses états, là, ce matin. Non, mais mangue de pain, c'est un mangue qu'ils sortent toujours avant les autres mangues, hein. Oui. Mais là, c'est la mangue carotte. Mm-hmm. Donc, c'est les deux qui mûrent avant. Après, les restes derrière, il va venir d'un mois. Le prix est chaud, Dominique? Ah, ben, si l'on veut manger, parce qu'il n'est pas trop, comme on dit, malin, il est bien ferme et il est sucré. Hein, c'est la mangue saucisse. Pas trop finance, voilà. Aussi. C'est ça. 7 euros le kilo. 7 euros, oui, mais il peut aller 7 euros. Allez, pour goûter ça, tu peux prendre une petite mangue. C'est bon? Je vois que Catherine, elle tâte la mangue, là. Bah oui, moi bizarre, je veux goûter, moi, on goûte tout, c'est important en direct de tâter la mangue. Oui, la mangue saucisse, bon, oui. On va goûter dans un instant, mais je vais vous présenter Tatilo. Tatilo, elle a ramené ici sur le marché de Saint-Paul le massalé mangue. Massalé mangue, t'as pu goûter ou pas? C'est possible, bonjour, c'est gentil. C'est original, j'ai mon trop de temps. Non, c'est pas un carré, la mangue massalée. Ben, j'essaie de trouver un endroit pour rentrer dans la case. Vous savez, ici, c'est des carreaux. Comment il est, Tatilo? Ça va très bien. Ça va bien ce matin? Oui, bien, oui. Vous avez déjà tout mis en place, là? Non, pas encore. Combien de pots il y a là à mettre en place? Une centaine au moins. Hein. Ouais, plus. Mmh. Ouais, au moins 500, voire même 1000. Ouais. Ah, 1000 pots, fini, qu'on vend ici? On vend des épices là, à gauche? Mais typiquement créole, c'est-à-dire tous les mélanges carré créole. Il est déjà préparé? Voilà, il manque le sel et la tomate et un verre d'eau. Simplement. Quelle est votre suggestion de ce vendredi là? Si, la mangue massalée. Comment ils mangent ça, au fait? En accompagnement. Ouais, vous êtes la seule à faire ça à la Réunion, hein, le mangue massalé. Donc c'est un truc confit. Oui, confit. Comme la charme, mais c'est en massalé, en accompagnement, et même petite friture, grillade, ou un petit sauce poisson. Ouais. Mais juste, alors, il y en a de massalé dedans, mais est-ce qu'il y en a de piment dedans? Oui, bah évidemment. Bah oui. Et ça a retrouvé sur le marché de Saint-Paul. La mangue massalée. Bon, bah on ira chercher ça sur le marché de Saint-Paul alors. Merci Prisca. Merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on va parler économie aujourd'hui. Oui, et peu de gens le savent, Mickaël, mais quand pour une raison ou une autre, vous ne prenez pas un avion que vous aviez réservé, eh bien, vous avez la possibilité de vous faire rembourser les taxes aériennes, y compris sans assurance annulation. Et ça peut représenter près d'un tiers du prix du billet d'avion. La chronique éco, Sébastien Letard. Quand vous achetez un billet d'avion, vous ne faites peut-être pas attention, mais la part qui revient à la compagnie, c'est-à-dire le vrai prix du billet d'avion, votre place sur un siège pour la durée du trajet, si tout va bien, eh bien c'est loin de représenter la totalité de ce que vous payez. Au final, viennent s'ajouter une multitude de taxes aériennes. Celle dont on parle le plus souvent, c'est la surcharge carburant perçue par les compagnies pour compenser la hausse de prix du kérosène. Mais il y a aussi une multitude de taxes perçues par les pouvoirs publics, la taxe d'aéroport qui s'applique à chaque passager, la redevance atterrissage qui s'applique, elle, en fonction du type d'avion, la taxe sûreté, sécurité et environnement qui finance les mesures de sécurité, la taxe aviation civile pour payer les contrôleurs aériens ou encore la taxe solidarité, dite taxe Chirac, qui finance le fonds United. Au final, cela peut représenter jusqu'à 40% du prix d'un billet d'avion. Or, depuis la loi Hamon de juin 2014, à l'exception de la surcharge carburant qui fait partie du billet, les taxes aériennes sont remboursables quand le voyageur n'utilise pas le billet d'avion. Mais après 2 ans d'existence, le dispositif reste très peu connu et encore moins utilisé. D'où une nouvelle proposition de loi déposée cette fois par le député Les Républicains Jean-Marie Tétart pour rendre automatique ce remboursement quand l'achat a été fait par exemple sur Internet ou par carte bleue. Cette partie remboursable pouvant représenter de 10 à 30% du billet acquitté est donc trop rarement remboursée. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a pourtant considérablement améliorer l'information des consommateurs, mais ce remboursement n'est en fait obligatoire que si le consommateur le demande. Or, tout semble fait pour qu'il ne le demande pas. Alors rendre ce remboursement désormais automatique par les compagnies ou les agences de voyage, ça semble plutôt une bonne idée. Eh bien non, pas pour l'Assemblée nationale. Le texte a été rejeté de justesse par 188 voix pour, les communistes et la droite, et 112 contre, la majorité des socialistes, qui s'est opposée à cette proposition venant de l'opposition, car les intérêts des partis ne sont pas forcément ceux des consommateurs. Le remboursement automatique, ce n'est donc pas pour tout de suite, mais le droit à se faire rembourser ses taxes d'aéroport quand vous ne voyagez pas, lui, il existe. Existe déjà. Il suffit pour cela de le demander à la compagnie ou à l'organisme qui vous a vendu le billet d'avion. Allez, l'infotrafic, c'est dans un instant là avec Yves Gruyer, il va nous dire ce qui se passe sur les routes du 974 aujourd'hui à nouveau, et puis après 6h30. Hein. Et ben le journal, c'est Cécile Thomas qui sera de retour. Bon réveil, bonne journée avec Aluna George. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool, no, I'm not a follower. I don't take things as they come, if they bring me down. Life can be cruel, if you're a dreamer. I just wanna have some fun, don't tell me what could be done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want, what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Follow me cause you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane. What you want, what you gonna do? Down, down, down, down, down. Daniel Luna George avec You Know You Like It sur Première. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. On rejoint Yves sur le boulevard Sud. Ouais, on n'est pas très loin d'ouvrir la contre-allée hein, qui est fermée depuis plusieurs mois sur le boulevard Sud. Alors il y a toujours les plots qui vous empêchent de rentrer. Hein, donc juste après le carrefour le boulevard de la Providence, donc carrefour Mazagran. Et les plots pour le moment sont toujours là, mais l'enrobé a été réalisé de part et d'autre. J'allais faire un petit tour par la partie Léon d'Yerx, voir comment ça se passe tout à l'heure. En ce qui concerne le trafic, attention, il y a du monde quand même, hein, donc vous êtes ralenti. Même si nous sommes vendredi, ben, un petit peu avant le radar de la de Saint-André. Alors il y a des zones de ralentissement avec des vitesses. Alors ça fluctue, hein, donc c'est 40 km/h à peu près de moyenne. Donc c'est pas vraiment hyper bouché, mais il y a quand même des zones de ralentissement qui démarrent avant Petit Bazar, et ceci jusqu'à Ravine-des-Chèvres, comme souvent à cette heure-ci. Après c'est bien fluide pour l'entrée est de Saint-Denis, pas de soucis sur ce boulevard sud. Attention, aujourd'hui vendredi, jour du marché, au niveau du giratoire doré, plus de piétons, donc un peu plus de laisser passer, notamment pour le tour à droite si vous sortez du boulevard doré. Vigilance dans ce secteur. À l'entrée ouest, ça commence à ralentir légèrement. C'est juste au niveau du petit rond-point qui se situe après la caserne Lambert. On a un peu de monde sur la fin du Lancastel, donc sur à partir de Pasteur, hein, dans la direction du Bar à Choix. Et puis dans l'ouest, bah, pas de changement depuis tout à l'heure. C'est toujours à la tranchée couverte que démarrent les ralentissements, des travaux qui sont déroulés dans la nuit. Ça s'est plutôt bien passé là-bas. Donc pas de soucis. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 6h31 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Ils ne veulent pas que leur cadre de vie soit détruit. Les riverains du projet de carrière à l'Ermitage à Saint-André se sont mobilisés hier. Ils ont déposé une pétition à la mairie, reportage dans ce journal. Eux veulent que le bâtiment Simandef à Saint-Paul reste une médiathèque. Les membres du collectif Simandef tentent un recours au tribunal administratif. Nous entendrons leur voix. Après le casque, le blouson et les bottes, pilotes de deux roues portaient des gants à partir du 20 novembre. Ne pas en avoir pourra être sanctionné. Et puis dictée et basket contre les leucodystrophies. Et là, repart en campagne. Explication à la fin de cette édition. C'est un projet de carrière de 33 hectares qui, jusqu'à maintenant, ne faisait pas parler de lui autant que celui des Lataniers à la Possession ou celui de Bois Blanc. Mais les riverains n'en veulent pas et se sont rassemblés en collectif. La carrière de l'Ermitage à Saint-André, ce sont des centaines de camions qui passeront près d'un captage d'eau potable et au ras des habitations. C'est un projet important pour l'apport en roche massive du chantier de la nouvelle route du littoral. Si le projet aboutit, le quartier de Bramousseline perdra toute sa tranquillité. Et cela, ses habitants le redoutent. Hier, ils ont déposé une pétition à la mairie de Saint-André. Ils ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête publique sur ce sujet. Olivier de la Richaudie les a rencontrés. 33 hectares de surface pour 7 millions de tonnes de roches massives. La carrière de Mansiol d'Ermitage pourrait fournir un tiers des besoins de la nouvelle route du littoral. Mais à quel prix? Pour Jacques, l'extraction est tout bonnement inenvisageable. À cet endroit-là, on a le captage d'eau pour nous. Il y a les papangs, il y a des orchidées sauvages, il y a des tangues, il y a les chauvaquines. Il y a tout ça, quoi. Et on va détruire ça pour une connerie de roches. Un péril auquel la grande majorité des riverains semble pourtant insensible. Durant le mois qu'a duré la consultation publique, seule une vingtaine de doléances ont été recueillies par le commissaire enquêteur. Cédric, jeune père de famille, a son avis sur les causes de cette faible mobilisation. Le temps d'aller faire près de Birpage, on utilise le mot intello, le terme juridique qui est difficile ou qui n'est pas maîtrisé. Tout ça, il fait esprit pour embrouiller haut, pour qu'on comprenne ni qu'une tête. Et au final, il n'a pas fait autre propre jugement sur ce que va faire, va pas faire. Hein. Un manque d'accompagnement qui puiserait sa source dans un conflit d'intérêts, selon Olivier, le porte-parole du collectif. Déjà, on a des gens qui ne peuvent pas exprimer azote, tout simplement parce que c'est habitué sur les terrains, des gens concernés, bien placés au niveau politique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire des habitats, les autres préfèrent subir les causes de la carrière, ce qui n'est pas normal aujourd'hui en démocratie. Une démocratie en laquelle veut tout de même croire ce collectif citoyen. Il compte aussi transmettre sa pétition à la ministre de l'Environnement. Olivier de la Richaudie, autre collectif qui ne lâche pas, le collectif Simandef. Après les actions citoyennes, il tente un recours au tribunal administratif. Il conteste la vente du bâtiment de la médiathèque Simandef par la ville de Saint-Paul à la région. Il réclame donc l'annulation des délibérations municipales de Saint-Paul qui avaient entériné la vente. Mais hier, le rapporteur public n'a retenu aucun de leurs arguments. Didier Bourse, le président du collectif Simandef, regrette que l'argent public soit utilisé de cette manière. C'est pas de l'agacement, c'est de la colère. À savoir qu'aujourd'hui, on a une gabegie financière qu'en fait, on va casser du neuf. Cette médiathèque était prête à servir. On va la casser pour 6 millions d'euros. Elle va être vide pendant plus de 3 ans parce qu'entre les travaux et les études, c'est à peu près le délai qui est devant nous. Et à côté de ça, c'est une médiathèque qui ne devait coûter aux habitants que 25 euros par an. Et on nous oppose deux projets qui sont totalement différents. Un projet où on n'accueillerait que, en gros, 500 élèves cotisants. de conservatoire et de l'autre côté, l'ensemble de la population saint-pauloise qui pourrait bénéficier du plus bel outil multimédia qui existe aujourd'hui dans l'île de la Réunion et avec un financement d'État à la hauteur puisqu'il y avait 5 millions par l'État plus 800 000 euros qui étaient là pour le fonctionnement du bâtiment. Didier Bourse, président du collectif Simon Def, au micro de Bruce Régent. Décision finale du tribunal administratif sur le sujet annoncée pour le 22 octobre prochain. Et puis devant la justice également, Gérard Gauvin-Damal, une personnalité connue dans le sud de l'île. C'est l'ancien vice-président de la Saint-Pierroise, propriétaire de plusieurs restaurants. On lui reproche d'être le commanditaire d'une série de vols de coffre-fort. Des vols perpétrés par une bande de 11 cambrioleurs, dont certains très chevronnés et proches de l'homme d'affaires. La bande sera présenté à ses côtés. Gérard Gauvin-Damal est poursuivi pour complicité de vol aggravé. Début de l'audience ce matin au tribunal de Saint-Pierre. 6h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Vous connaissez la chanson, Isabelle, il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Bah oui. Et il ne portait pas de gants. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et bien à partir du 20 novembre, à partir du 20 novembre, à moto et à scooter, sans gants certifiés, ce sera une amende de 68 euros. Et un point de moins sur le permis. La mesure concerne les pilotes et leurs passagers. Sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs vont bon train. Daniel d'Ambreville. Casque en main et blouson de cuir sur le dos, Pascal fait du shopping dans le rayon des équipements de moto. Motard depuis 30 ans, Pascal ne lésine pas sur sa sécurité et celle de ses passagers. Alors cette nouvelle obligation ne le touche pas vraiment. Je ne me sens pas concerné parce que je mets mes gants tous les jours. Gants et blousons systématiques. J'ai fait quelques chutes qui ont laissé des traces, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Ça tombe bien, la nouvelle législation vise à protéger les mains du conducteur de deux roues, mais aussi celles de son passager. Quand on tombe, ce sont les mains qui prennent en premier. Un risque pas toujours pris en compte par les pilotes, reconnaît Romain Barraud, vendeur dans un magasin de motos. Il y a beaucoup de motards qui, sur un petit trajet, ne vont pas mettre leurs gants. Donc là, de prendre 68 euros, si je dis pas de bêtises, et un point, j'espère qu'il y aura un petit peu d'indulgence tant que tout le monde s'habitue. Mais avant les sanctions, les motards ont jusqu'au 20 novembre pour s'habituer et surtout s'équiper de gants certifiés. Les gants, quand vous les achetez, il faut avoir soit la norme CE dessus, soit le petit motard. C'est souvent des gants avec des renforts dans la paume de la main, des coques sur le dessus du gant. Un équipement peu adapté au climat de l'île, d'où ce constat du commandant Laurent Frutos. Il dirige l'escadron mobile de gendarmerie. Une problématique à La Réunion et dans tous les climats tropicaux où les températures élevées incitent malheureusement les gens à négliger le port des équipements de sécurité. Pour rappel, seul le casque homologué et bientôt les gants sont obligatoires pour les pilotes et les passagers de dos. C'était un reportage de Daniel d'Ambreville. Autre obligation un peu connue, celle pour les motards et scooteristes d'avoir à disposition un gilet réfléchissant. Le Grand Port maritime se félicite de sa bonne santé. Aujourd'hui, 99% des produits importés dans l'île passent par le port entre 2015 et 2016, plus 18% de croissance et un record avec 4,5 millions de tonnes de marchandises transbordées. Les installations doivent, cela dit, être entretenues. Et le point faible, c'est encore le chenal d'accès au port. Chaque année, le Grand Port maritime dépense entre 3 et 4 millions d'euros pour désensabler l'entrée du port ouest. Il force les autorités à lutter contre les éléments, le sable et la houle. Jean-Frédéric Laurent, le directeur général du Grand Port maritime et président du directoire. Alors effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui aujourd'hui arrive de manière hors saison et qui est de plus en plus difficile à gérer et qui vient régulièrement obstruer ou réduire les capacités nautiques du port. On a pour le moment mis en place des dispositifs de court terme qui nous permettent de modifier nos opérations de dragage et de les intensifier après les phénomènes de houle. Et à long terme, nous avons engagé une étude générale hydrosédimentaire sur l'ensemble du trait de côte depuis la rivière des Galets jusqu'à la pointe du phare, de manière à pouvoir réguler au mieux ce phénomène d'engravement de l'entrée du port ouest. Jean-Frédéric Laurent, le directeur général du Grand Port maritime et président du directoire, répondait à Delphine Poudroux. Ils reprennent les stylos pour la dictée et les baskets pour les activités sportives. La campagne de l'association européenne contre les leucodystrophies est lancée et comme chaque année, elle met les enfants à contribution avec l'opération « Mets tes baskets et bats la maladie ». Cela se passe dans les écoles. L'objectif, sensibiliser les enfants à cette maladie. Guy Alba, le président d'ELA International et fondateur de l'association. Les enfants bien portants prêtent leurs jambes aux enfants qui sont malades et qui peuvent malheureusement plus utiliser leurs jambes et bien souvent plus aller à l'école non plus. Les enfants se font parrainer. C'est plus de 2 millions d'euros qui sont récoltés à l'occasion de cette opération. Il y a une situation un peu particulière de la leucodystrophie à La Réunion puisqu'il existe une leucodystrophie spécifique à La Réunion qu'on appelle le syndrome de Ravine qu'on ne retrouve pas ailleurs. On peut penser, parce qu'on n'a pas tout le recensement, qu'il y a plus d'enfants atteints de leucodystrophie à La Réunion qu'ailleurs du fait de ce syndrome de Ravine qui est en fait une forme d'anorexie du nourrisson. Les nourrissons ne retiennent rien de leur lait et donc ils vomissent, ils ne se développent pas normalement et vous, ils ont énormément de problèmes, y compris neurologiques. Depuis la création de l'association, vous avez financé combien de programmes ? On a financé plus de 400 programmes depuis 1992. Ça représente plus de 40 millions d'euros dans la recherche médicale et au moins une dizaine de millions d'euros pour accompagner les familles au quotidien dans cette maladie. Guy Alba au micro de Nadine Bachelot. Irka Ella est au service des enfants malades. Elle vient en aide aux familles et finance la recherche médicale. C'est à cela que servent les fonds. C'est important. Merci Cécile. On se retrouve tout à l'heure pour les unes de la presse, 6h50. À tout à l'heure. 6h41. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Et Mickaël, soleil et nuages vont se partager le ciel. Oui, alors plutôt des nuages à l'est, comme les derniers jours entre Sainte-Marie et la région de Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose. À l'ouest, eh bien c'est bien mieux. Et puis le nord et le sud sont des frontières. Hein. Le Saint-Denis ou encore Saint-Joseph donc alternent là entre bleu et gris donc sur ces régions. Mmh. Cet après-midi, les nuages vont s'emparer des hauteurs. Dans l'est, ça restera à peu près similaire à ce que au temps de ce matin, même si les éclaircies reviendront. Mmh. Et puis ailleurs, hein, sur le littoral, eh bien, on alternera entre nuages et éclaircies. Température ce matin, 7 au volcan, 19 à Saint-Gilles, 20 au port ainsi qu'à Saint-Denis. Cet après-midi, on ira jusqu'à 27 à Saint-Gilles et 20 degrés dans les cirques. Et puis, Mickaël, la question que tout le monde se pose, quel temps pour samedi dimanche? Même type de temps, pas de changement, température stationnaire. Regarde bien. Toujours beaucoup de nuages à l'est. T'es sûr? Voilà. Ouais. Pas de soleil, ça change pas. Ou je sais pas quoi. Non, d'accord. Ok. Merci. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Yves Rond-Point Doré. Oui, je viens donc de faire ce que je vous avais dit il y a tout à l'heure. Donc, je suis passé par Léon Dierche, donc vers Kiritube, pour voir comment était cette contre-allée. Bah, donc, c'est bien mis en enrobé de part et d'autre. Hein, donc, la partie montante arrivant du carrefour Mazagran et la partie descendante, surtout, que je viens d'emprunter. Donc, on peut déjà d'ailleurs rejoindre ce rond-point doré. Donc, là, il y a encore des cônes. Il y a surtout les blocs qui vous empêchent d'accéder à cette contre-allée à partir du carrefour Mazagran. Je pense que là, il n'y a plus besoin d'attendre, donc je pense que ça va peut-être ou se faire dans la journée, ou ce sera vraiment en début de semaine, on va essayer d'avoir l'information. Voilà, circulation un peu ralentie, attention, milieu du pont Vinsan, hein, donc si vous entrez sur Saint-Denis, de l'autre côté, en bas, les ralentissements se font un petit peu avant le Cap Bernard, mais ça c'est le soleil, parce qu'il y a encore une entrée ouest jusqu'au pratiquement au rond-point et au carrefour avec la route de la montagne, sans trop de difficultés, mais c'est plutôt le soleil qui perturbe le trafic avant le Cap Bernard. Attention sur cette zone, bah, boulevard sud ici, beaucoup de trafic autour de ce giratoire doré, puisque comme chaque vendredi, il y a le marché. L'entrée est toujours dégagée, mais les ralentissements se situent toujours entre Saint-André et Ravine-des-Chèvres actuellement. Attention, il y a des petites zones mouillées, hein, puisqu'il pleuvait sur les hauteurs de Sainte-Marie il y a quelques instants. Merci Yves. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorette. Hey, on est déjà presque, on a dépassé la mi-temps de l'émission. La mi-temps de l'émission, on se dirige tranquillement vers cette journée de vendredi hein, pour ceux et celles qui sont sur la route en ce moment. D'autres ont déjà commencé. Et après, c'est quoi? Eh ben, c'est le week-end. C'est le week-end avec une croisière peut-être pour vous, avec la personne de votre choix. Ah oui, c'est ce qui est à gagner, mais seulement si vous envoyez votre photo de petit déjeuner vitement avant 8h, avant l'heure du tirage au sort. Vous serez les privilégiés de ce bateau, catapassion avec croisière et découverte. Ça même. Petit déj, allez, on y va, on continue d'envoyer comme beaucoup le font depuis ce matin. Vous l'avez vu, Reynald, elle a posté une photo de petit déjeuner. Reynald, il est à fond sur le petit déj. Alors, qu'idée? Premier sautier. Mais ça, ils mangent pas ça, si. Il y a des fleurs qui se mangent. Il y a mais là, son bouquet, là, n'y croit pas. Ouais, et il y a des plantes qui nous soignent aussi. Il y a des plantes qui nous soignent. Et d'ailleurs, on va en parler avant 7h, puisque il y a un atelier de plantes médicinales de La Réunion qui aura lieu demain. Ouais. Et avec Véronique. Dans les Hauts-de-Saint-Paul. On va parler des médicaments à base de plantes, mm-hmm. tout simplement, et puis de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, c'est un atelier qui est basé essentiellement, cette fois-ci, sur tout ce qui est trouble du système digestif. Tu sais, quand c'est dur, c'est mal au ventre, ça ballonne, ça voilà. sort pas, même pour les enfants. Quand ça sort pas, ah bah, c'est pas facile. Ah, les molles, voilà. moi, mais les molles. Quand ça sort pas, c'est pas molle. Non, c'est... Mais bon, bref. Merci, désolé, bon appétit, bien sûr, si vous êtes actuellement à table pour le petit déjeuner. Allez, 6h50, les lignes de la presse, mais juste avant, Letchi, qui est de retour. Eh oui, mes chers bouchons. Bon, pas ceux qui se mangent, hein. Non, ceux que vous rencontrez, là, sur la route. C'est dur aussi, ça. Chers auditeurs, j'imagine que beaucoup d'entre vous nous écoutent dans leur voiture, et vu l'heure qu'il est, il est possible que vous êtes dans l'embouteillage. Mi espère que vous n'énervez pas trop dans l'auto. Nena de Moon y passe plus de 3 heures par jour sur les routes de la Réunion. Et il n'est pas prêt d'arranger vu la quantité d'autoneuves vivant tous les jours. Ou peu sorte, l'heure qu'on veut n'aura forcément l'embouteillage. Le plus souvent, il commence dès qu'on essaye monte sur la 4 voies. N'a point un couillon pour d'en au chemin. Compte pas sur le gros loto sport pour laisser au passé, hein. Dans l'embouteillage, il avance pas plus vite qu'outil l'auto troisième main, mais il n'y laissera pas au passé. Question de principe. Quand on est enfin sur la route, on connaît que ça passe un bon bout de temps terre là. Yves Gruyer, il vient d'annoncer à la radio que nana l'auto là en panne est arrêté sur la route. Ou maudit le gars en question, ou comprend pas pourquoi il fout pas une amende à Van Moon, il bloque la circulation comme un. Là, on calcule sur quelle voie il roule le mieux. Un coup, il s'arrête plus vite à gauche, un coup, il s'arrête plus vite à droite, mais dès qu'il est sur une voie, il avance plus. Pendant ce temps, la Van Motard, il dépasse ça tranquillement en remontant la file. Ou la juste envie de rouvre la porte à un coup pour faire tomber haine. Ou l'auto sera cassé, mais va calmoutner. Quand il arrive qu'il est bloqué derrière un camion, ou énerve encore deux fois plus parce qu'on voit pas qu'on s'en a devant. Et parle pas si son feu stop il marche pas. À chaque fois, on risque de battre somme ni quand il y arrête. Mais la pire situation, Mamaï, c'est quand on retrouve à derrière un tracteur et que n'a point un loto, il laisse à ou passer. Ça, c'est clairement un avant-goût de l'enfer. Ou demande à ou quel péché ou l'a commis pour mériter une affaire pareille. Le tracteur, il roule à 10 km/h dans la montée et il est bloqué derrière. Ou commence à imaginer si le bancan y chape sous l'auto. Le titre du fait divers le lendemain matin. Mort étouffé sous un tonne de canne. Il fait pitié ce moment. Mais heureusement, dans notre malheur, on n'est pas tout seul. Avec le temps, on reconnaît 2-3 lotos qu'on voit tous les jours sur les routes. C'est un peu au bon camarade de l'école, ça. Le petit fourgonnette, l'entreprise de climatisation. La voiture tunée jaune avec un ragadan sol à fond. Le 4x4 avec une caisse d'ailleurs remplie, légumes, il avance pas du tout. Mais mon préféré, c'est le bonne femme, il maquille à ça dans l'embouteillage. Tous les matins, il sent que bonne femme, là, ça fait un accident. Et... Mesdames, tu penses vraiment que c'est le moment fin d'affaire pareil? Bref, chers auditeurs coincés dans les embouteillages, courage, il reste encore 2 semaines avant les vacances scolaires. Et pendant que vous souffrez dans les embouteillages, nous sommes là pour vous accompagner. Profitez pour écouter le rire d'Isabelle, la fausse voix de crooner de Michael, ou encore la voix sympathique de David. Hashtag lèche-botte. Parce qu'après tout, s'il avait point l'embouteillage, qui ça y écouterait à nous? Merci Letchi, franchement, c'est sympa. Quelle fausse voix de crooner. Ah si, c'est vrai. Bon, au moins j'essaye. C'est un rêve. Un rêve d'enfance. Merci Letchi, à retrouver le Zombrocal quotidien cet après-midi à 16h50 avec la voix de David. A tout de suite. Première. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Mais passe un petit message, mon chéri, à qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Claudio Gaillard, on le roule, c'est galé. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Du 16 au 25 septembre prochain, Sillaos devient cirque d'inspiration et de création. Exposition, contes, stages artistiques, réalisation d'une BD géante, ateliers, comédies musicales et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. Première. Vous êtes sur Première, vous y êtes bien, alors restez-y. Voici Navy avec Turbulence dans toute la Réunion. Et puis juste après, Cécile avec ses Unes de la Presse. Bâtiment. Ah oui. Bon, on a répété deux fois, c'est tout pas de bien. Suite. Allez, à tout de suite. Bonne journée. Je commate sur ma comète. Tu me laisses des promesses obsolètes. Dans l'ambulance, on danse. Baiser volé à la sauvette. Un amour parallèle. me noie dans tes yeux caramel. En zone de turbulence, on danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime. Une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les ragots, les larcènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. J'aime quand tu dors dans mes habits. Quand tu devines ce que je n'ai pas dit. Sur les civières on pense. Des blessures infinies. Une rupture animale. Dire adieu à l'horizontale. En zone de turbulence, on danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime. Une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les ragots, les larcènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne. Sur la route, à la case, où vous soyez dans en les ce moment, ouais, surtout les embouteillages, vous l'écoutez avec Turbulence sur ça Première, rime. C'est bien, vous faites des rimes que comme Navi, c'est cool. C'est... Bon, pas bon. Trop non plus. Hein. Oui, non. Les unes de la presse, 6h51, dans toute la Réunion, on commence avec le journal de Lille et une affaire de Zamal à Saint-Pierre. Oui, il voulait produire de la haute qualité un horticulteur incarcéré. Autre titre téléphérique, guerre entre Saint-Leu et la région et Caloubang prêt à faire feu avec Kalash mais sans la fouine. La crise requin en bouquin en une du quotidien. Eh bien ça rime. Ouais. Le roman de la crise requin, La tête sous l'eau est entre la réalité et la fiction. Son auteur, le psychosociologue Arnold Jacou, le présente ce matin dans le quotidien. Il témoigne des errements et des dérives qui ont marqué la gestion de la crise requin. Commente le journal. Autre titre, affaire des contrats aidés, l'ex-salarié accable Ratenon. Saint-Pierre saisi de Zamal, le laborantin écroué. Plainte pour escroquerie, l'avocat Cressen attaque Thierry Robert. Et puis Car West, des élus du TCO, enquête dans les bus. Et dans la presse nationale, François Hollande qui fait un selfie avec un jeune en une d'aujourd'hui en France. Et oui, le président tout sourire qui se prête au jeu, emploi, logement, éducation, Hollande et les jeunes. Le vrai bilan, titre le journal, c'était la promesse de campagne. Les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012. Qu'en est-il vraiment, se demande aujourd'hui en France. Autre titre, à Montpellier, après la mort d'un pompier, la colère de sa famille. De nouvelles violences raciales aux États-Unis en une du journal Le Monde. Avec la photo d'une femme, elle nous montre les paumes de ses mains sur lesquelles sont écrits « Don't shoot, ne tirez pas ». Deuxième nuit d'émeute à Charlotte, en Caroline du Nord, après la mort d'un noir américain tué par la police. L'état d'urgence a été décrété. Autre titre, Bahamas Leaks. Révélation sur la société offshore d'une ex-commissaire européenne. La radicalisation des jeunes en une du Figaro. Mineur, la contagion de la radicalisation islamiste, écrit le Figaro. Selon le journal, 1954 mineurs sont signalés comme radicalisés en France. Un chiffre en augmentation de 121% depuis un recensement effectué en janvier dernier. À lire également, c'est cette info insolite. Après 4 ans de travaux et 330 millions d'euros, l'aéroport de Lille où Napoléon est mort, ne peut pour l'heure accueillir de passagers. En cause, les vents trop puissants de l'Atlantique Sud combinés au relief montagneux de Sainte-Hélène. Ils provoquent de violentes turbulences trop dangereuses pour que la piste d'atterrissage puisse être homologué. Et puis ce matin dans le Figaro, dur dur d'être un chanteur de droite avec Michel Sardou et Didier Barbelivien. Des femmes en photo en une de Libération ce matin. Nous, françaises et musulmanes, titre Libé, voilées ou non, croyantes ou pas, à l'heure où leur corps et leur liberté cristallisent le débat politique sans que leur voix soit entendue, Libération est allée à la rencontre de femmes de culture musulmane de tous les âges et de toutes les classes sociales. Du foot, encore une fois, une de l'équipe. Ah oui. comme toujours, on dirait presque Passy, l'impasse titre le journal. Passy, jusqu'à quand, se demande l'équipe qui s'intéresse de près à l'entraîneur de Marseille, alors qu'à Paris, Emery trace sa route, le PSG qui se déplace ce soir à Toulouse en Ligue 1. Et puis en basket, Parker croit encore en la Pro A. Merci Cécile, à tout à l'heure pour le journal. Et puis à 7h, on retourne l'information avec Florent Marot. Grand matin, l'appel réveil. Comme chaque matin, oui. On appelle un réunionnais ou une réunionnaise. Exactement, et c'est une réunionnaise qu'on appelle ce matin. Elle s'appelle Véronique et elle sera l'une des deux animatrices de cet atelier consacré aux plantes médicinales de la Réunion. Bonjour Véronique. Salut Véro. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Bien réveillée? Eh bien, oui, tout à fait. Bon, alors le matin, Véronique, une petite plante ou du café? Alors, le matin, ben, écoutez, plutôt des plantes. Ah. Plutôt du thé vert, c'est très bien pour démarrer la journée. Mmh. D'accord. Pourquoi c'est bien le thé vert, Véronique? C'est tonifiant, ouais. Et il y a du fer, donc surtout pour les femmes. Mmh. Donc, oui, c'est une boisson qui est intéressante. Voilà, pour démarrer le matin, elle n'est pas agressive comme le café. Mmh. Et puis, bon, ben voilà, thé vert, mais pas thé vert en sachet. Hein. Ah! Ah oui, pas en sachet. Ah bah vous avez pas soufflé le bon conseil à Isabelle alors, hein, parce qu'elle, c'est thé vert en sachet tous les matins. Il est tout industriel, c'est apparemment. Je sais pas s'il y a que du thé là-dedans, c'est bizarre. Ouais, c'est ça le problème. En sachet, c'est souvent les dernières feuilles, les déchets qui sont utilisés. Ah, les déchets carrément dans mon sachet de thé. Ok. Enfin, les déchets, bon, la deuxième utilisation latente. Hein. C'est pas bon, ça. Ça casse un peu. Alors, demain samedi, au Guillaume Saint-Paul, on va pouvoir soigner ces troubles du système digestif entre 9h et midi avec vous. Avec les plantes. Voilà. Alors, soigner, bon, c'est un grand mot. Soulager. Voilà, soulager, prendre en charge, peut-être éviter d'avoir d'autres troubles digestifs. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, prendre bien soin de ses organes. Mm-hmm. Donc, on va plutôt orienter notre attention vers l'estomac, la rate, le pancréas. D'accord. Qui sont les principaux organes de la digestion. Alors, Véronique, pourquoi c'est important de faire un atelier sur les herbages, les plantes de la Réunion? Ils tombent un peu dans l'oubli, on connaît moins? Oui, tout à fait. À La Réunion, on a des plantes extraordinaires. On a vraiment un très beau potentiel phytothérapique. Ouais. Et malheureusement, c'est vrai qu'il tombe un petit peu dans l'oubli. Bon, on est dans un monde où tout doit aller vite. Donc, on va vers la facilité, les choses faciles à utiliser. Mm-hmm. Et pour la santé, ça va être pareil. On la perd et on veut la retrouver très vite. Et le chemin le plus direct, c'est l'allopathie et les produits chimiques. Mm-hmm. Mais c'est ça. Mais alors, Véronique, c'est dans l'oubli parce qu'on ne connaît pas les recettes aussi parfois, tout simplement. Il y a un petit peu des deux, effectivement. Ouais. Et puis là, suivant les dernières années, il y a un engouement vers tout ce qui est un peu plus naturel. Mmh. Un retour. Retour au bio, le bio qui marche à fond. Un retour au bio et un retour au naturel aussi. Ouais. Et même aux thérapies un peu moins agressives. Donc on essaye de voir si de manière naturelle on peut agir sans avoir recours aux médicaments. Mmh. Et puis dans un deuxième temps, avoir recours aux médicaments. Mais le but, c'est quand même de ne pas tomber malade. Hein. Oui, tant qu'à faire. Voilà, donc sa santé. Sur l'atelier, donc on explique un petit peu comment fonctionne le corps, donc la vision de la médecine chinoise. Ouais. Et traditionnelle. Tout à fait. Parce qu'elle est facile à comprendre, elle est plein de logique, donc c'est plus accessible. Et puis, les gens connaissent un petit peu mieux le mécanisme de fonctionnement de l'organisme. Ensuite, ils peuvent s'orienter sur le choix des plantes et faire même leur petit design. Donc dans l'atelier, on explique le fonctionnement du corps. François Thibert, qui est très connu, explique les plantes. Donc quand on est sur le terrain, on les visite, on les touche, on les sent, on peut les goûter. Mmh. On peut repartir avec les graines, on peut repartir avec une goûture. Et tout ça, on a quelques difficultés pour vous entendre. On a compris que ça sera demain, samedi 24 septembre, que Guillaume Saint-Paul, entre 9h et midi. Et ça se passe donc à quel niveau du Guillaume? Ouh là là. Alors, on a des difficultés à vous entendre. On va juste laisser le numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés. C'est 06 92 25 19 31 25 19 31 pour cet atelier consacré aux plantes médicinales. Merci Véronique. Merci Véronique. Merci à vous. Bonne journée. Première. Tiens,

Le collectif Simandef ne se fait guère d'illusions. Ses membres étaient hier devant le tribunal administratif pour contester la vente de l'ex-futur médiathèque Simandef à la région. Problème, aucun argument n'a été retenu par le rapporteur public et son avis est quasiment toujours suivi par les magistrats. Peu de chance donc que le collectif obtienne gain de cause dans un mois, mais cela n'a pas empêché Maître Vanessa Abou, l'avocate du collectif, de revenir sur le coût de ce revirement pour les contribuables. C'est un scandale financier et on essaye de masquer ce scandale financier effectivement en vous expliquant qu'on va garder la culture mais sous une autre forme. Ce n'est pas possible. Il faudra beaucoup d'argent, il faudra beaucoup de travaux, il faudra beaucoup de temps car même si on devait changer ce bâtiment en un autre bâtiment, si on devait changer la destination de ce bâtiment, ça prendrait à minima des années, 4, 5, 10 ans. Mais attendez, de qui se moque-t-on ? Les Saint-Paulois n'ont pas besoin de ça. Nous croulons aujourd'hui à Saint-Paul sous les taxes et aujourd'hui, croyez-moi, que lorsqu'on passe devant ce bâtiment, que lorsqu'on sait ce que ça va coûter, on imagine que les taxes que nous payons à Saint-Paul vont exploser les plafonds. Il faut penser à ça. Maître Vanessa Abou, avocate du collectif Simandef au micro Réunion Première de Bruce Régent, délibéré prévu le 22 octobre. Autre collectif, celui qui s'est créé à Saint-André contre l'exploitation de la carrière de l'Ermitage dans les Hauts à bras de mousseline. Le projet prévoit de fournir 7 millions de tonnes de roches massives à la nouvelle route du littoral, mais les habitants du quartier sont contre. Ils ont remis hier, dernier jour de l'enquête publique, une pétition au commissaire enquêteur. Une action soutenue par Joël Bédier, le conseiller municipal et régional d'opposition parle d'une enquête publique au rabais. Quand on compare à l'enquête publique sur, par exemple, la carrière de Bois Blanc, c'est beaucoup plus de présence du commissaire enquêteur. Et ici, c'est une fois de temps en temps. Donc c'est fait à la va-vite. Ça a été fait depuis fin 2014, puisque le groupe NGE, Guintoli, est en relation avec le maire pour cette carrière. Tout a été fait en dessous. Et le conseil municipal, puisque là, je parle en tant que conseil municipal, vous vous rendez compte, on n'a jamais été tenu au courant. C'est grave. Une question de conflit d'intérêts ? Bien évidemment, conflit d'intérêts, puisque sur 4 méga carrières entre Brapanon et Saint-André, 3 sont sur les terres appartenant à la famille Virapoulet. Joël Bédier, conseiller municipal d'opposition à Saint-André, interrogé par Olivier de la Richaudie. Et si le commissaire enquêteur donne un avis favorable au projet, l'exploitation de la carrière pourrait commencer d'ici un an avec à la clé 300 rotations de camions par jour. 7h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Cela n'était plus arrivé à ce niveau, en tout cas depuis 2008, mais le grand port maritime va bien, très bien même. La structure enregistre aujourd'hui un nouveau record de tonnage. L'activité container, par exemple, est en hausse cette année de 18%. Au total, 99% des produits importés à La Réunion passent par le port. Les précisions d'Olivier Warraud, maire du port et président du conseil de surveillance. Notre port sait accueillir, notre port sait rendre performant les compagnies maritimes parce que nous savons accueillir rapidement, décharger et recharger rapidement. Ça montre que on a gagné en confiance auprès des acteurs de la marine marchande. Ça montre qu'on a gagné aussi en performance sur la gestion des outils portuaires et notamment les 3 derniers portiques qu'on a achetés qui sont d'une capacité considérable. C'est aussi ça qui a fait des chiffres de record cette année. Olivier Warraud, maire du port et président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime, interrogé par Delphine Poudroux. Une rencontre pour la paix dans l'océan Indien, ça se passe au Moka jusqu'à demain. 150 personnes sont invitées à débattre à l'invitation du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion. On en reparle après ce journal avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Houssène Hamod, le porte-parole du groupe de dialogue interreligieux. Au menu également le rôle des religions dans les conflits ou encore la menace terroriste. La mesure entrera en vigueur le 20 novembre. Dans 2 mois, les pilotes de 2 roues et leurs passagers devront obligatoirement porter des gants. Les petites et grosses cylindrées sont concernées et en cas d'infraction, il vous en coûtera 68 euros d'amende et un point en moins sur le permis. Les forces de l'ordre seront vigilantes, notamment les motards de l'escadron départemental de sécurité routière qui n'échappent pas non plus à la réglementation. Les précisions du commandant Laurent Frutos. Casques, gants sont désormais les seuls équipements obligatoires. Par contre, il est évident que nous recommandons le port des équipements dits de sécurité, c'est-à-dire des blousons avec des renforts épaules, puis éventuellement des plaques dorsales. On parle de gants certifiés. Alors, c'est une norme CE. Il est évident que chaque paire de gants devra être badgée de cette étiquette CE pour être considérée comme valable. comptera-t-il des motards de votre escadron ? Est-ce qu'ils aussi vont devoir s'équiper ? Les gants dont nous disposons actuellement, même s'ils ne disposent pas tous de cette étiquette de certification, justement j'ai posé la question très récemment à ma direction, ils remplissent les critères de la norme CE, donc ils sont valides pour la conduite de nos engins. Le commandant Laurent Frutos de l'escadron départemental de sécurité routière, joint par Daniel Dambreville. On termine avec le sport. Handball, il y a un match avancé de la 7e journée de championnat ce soir. Château-Morange, le leader, reçoit à 21h15 le Saint-Pierre HBC. Saint-Pierre 4e au classement. Et puis en basket, deux matchs ce soir pour le compte de la 4e journée. Étensa les Tampons et Saint-Paul 1, Saint-Paul 2. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Et on commence, Édouard Marguier, avec cette information France Info. L'affaire Di Falco est relancée 14 ans après le classement de la plainte d'un ancien élève qui l'accusait de pédophilie. L'évêque de Gap est assigné au civil. L'homme qui se présente comme sa victime veut demander réparation pour le préjudice qu'il aurait subi il y a 40 ans. Développement et témoignage sur cette information à partir de 5h sur France Info. Paiera, paiera pas, Jérôme Kerviel et son ardoise colossale. La cour d'appel de Versailles rend sa décision ce vendredi. Elle dira si oui ou non, l'ancien trader doit rembourser les 4,9 milliards d'euros de pertes causées à la Société Générale. Le parquet s'était opposé à ce remboursement en juin. Un meurtre qui semble être un règlement de compte en Corse. Cette nuit, c'était vers 1h du matin. Un automobiliste est mort après avoir reçu des tirs d'une arme automatique au sud de Bastia. L'homme était connu de la police, défavorablement connu de la police. Il s'agit du 12e homicide sur l'île de Beauté depuis le début de l'année. La ministre des Affaires sociales est une partisane du « ça va mieux » de François Hollande. Marisol Touraine affirme que le régime général de la sécurité sociale sera quasiment revenu à l'équilibre à la fin du quinquennat l'année prochaine. 400 millions d'euros de déficit seulement, si on peut dire, il était de 17 milliards en 2011. Ce mandat signera la fin des déficits sociaux, s'est-elle félicitée dans une interview au quotidien Les Échos ce vendredi. Manuel Valls est à Dakar pour deux jours, visite à caractère économique. Dès son arrivée, le Premier ministre ne s'est pas empêché de faire de la politique. « Je crois plus que jamais que l'homme africain est dans l'histoire », a-t-il insisté. Allusion bien entendu à Nicolas Sarkozy dans un discours en 2007. L'ancien chef de l'État a dit « L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire ». François Hollande sera à Calais lundi. Enfin, diront les nordistes qui l'attendent depuis des mois. Officiellement, le président lancera les travaux sur le port, mais tout le monde est pressé d'entendre ce qu'il a à dire sur le camp de migrants. La jungle de Calais que le ministre de l'Intérieur a promis de fermer le plus rapidement possible sans donner toutefois de date. Cette nuit encore, les habitants de Charlotte au sud-est des États-Unis n'ont pas le droit de sortir de chez eux. La nuit, c'est en ce moment, commence à peine là-bas aux États-Unis. Couvre-feu à nouveau décrété pour la troisième nuit consécutive. Les autorités ont du mal à contenir les manifestants en colère après la mort d'un homme noir tué par balle par un policier. L'armée a été mobilisée dans la ville pour éviter de nouvelles émeutes. Aux États-Unis, des pirates informatiques ont visé l'entreprise Yahoo. 500 millions de comptes Yahoo ont été hackés, annonce la firme américaine. Selon elle, l'auteur est lié à un État. Le vol de données concerne des informations personnelles, nom des clients, date de naissance, numéro de téléphone, mot de passe. Mais les données bancaires des utilisateurs n'ont pas été affectées, assure Yahoo. 7h12 sur la première. Et on retiendra, Mickaël, que côté ciel, c'est mitigé. Un département toujours coupé en deux avec des frontières que sont Saint-Denis et Saint-Joseph entre le gris de l'Est et le bleu de l'Ouest cet après-midi. Ça va se couvrir quand même sur les hauteurs et ça va déborder un peu sur le port et la région de Saint-Gilles. Partout ailleurs sur le littoral, on conservera des éclaircies, sauf dans l'Est où on aura quand même plus de mal, plus de difficultés à voir le soleil. Aujourd'hui, températures qui iront jusqu'à 27 degrés dans l'Ouest cet après-midi, 14 au volcan et 20 dans les cirques avec du vent sur le nord et le sud, 60 km/h attendu. Et puis pour le week-end, ça sera à peu près le même type de temps. Vous êtes à Sainte-Marie, Yves. Oui, au-dessus du pont de l'arrière Sainte-Marie, à l'embouchure, donc sur le front de mer. Alors, il y a un superbe front de mer, bien aménagé, tout ça, on court comme il faut. Et alors, par contre, si on se penche au-dessus du pont et on regarde l'état de l'embouchure de l'arrière Sainte-Marie, c'est pas globe. D'ailleurs, j'ai fait un petit tweet là-dessus, parce que c'est pollué, c'est sale, c'est... Voilà, bon. Pas terrible. Alors la circulation qui se fait avec deux zones de ralentissement maintenant, donc en arrivant de l'Est, toujours depuis la marine Sainte-Suzanne quasiment et jusqu'au niveau du plateau de la mare. Après une zone roulante jusqu'au pont de la rivière des Pluies et là ça y est, l'entrée de Saint-Denis direction le front de mer s'est ralentie et donc depuis le pont de la rivière Saint-Denis en passant par la Jamaïque et l'arrivée sur ce front de mer en direction du Lancastel. Lancastel c'est à peu près roulant, les ralentissements à hauteur de la Grande Chaloupe et même un petit peu avant maintenant sur la route du littoral, donc un peu plus de trafic forcément, ralenti en donnant de l'ouest. Le pont Vincennes reste encombré, mais les tranchées sont toujours plutôt faciles à traverser, donc ça c'est une bonne nouvelle. Côté ouest, c'est toujours en haut de du viaduc et avant la tranchée couverte de Saint-Paul pour la zone de ralentissement qui n'a pas évolué du tout dans le mauvais sens déjà. C'est déjà au moins une bonne chose. Et puis pour le moment également le front de mer, hein, donc ça circule plutôt correctement. On attend que les travaux se mettent en place, on espère que ce sera à l'heure du côté de Saint-Gilles-Léo, du côté également de Bassin-Plat là-bas dans le sud où il y a un aménagement de giratoire, donc à la en bas de Montvert-les-Bas et des plus tard des Cafres. J'espère que ça sera bien respecté pour que la circulation puisse se faire à peu près normalement. Et si vous petit déjeunez à 7h14, vous continuez d'envoyer vos petites photos sur la page Facebook. Ça peut vous rapporter une croisière pour deux personnes. Tirage au sort avant 8h, c'est promis. Vous faites comme Maronas Vincent Do et son Marmaille qui fait un petit déj de champion là en ce moment. Il a bien raison avant d'aller à l'école. En nous écoutant. À suivre. Ah oui, là, c'est complet. Hein. Ah oui, c'est bien. À suivre l'invité de Grand Matin, de Philippe Dornier, Houssaine Amod, porte-parole du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion. Tous les samedis, avec Beverly, une drôle de radio. Une heure pour rire et passer un bon moment en musique. L'effet pour votre tombeau de décibélisé, tu vois. La compilation du Zambrocal du Letty. Les temps ils changent, Kosovo Midiazol. Et la rediffusion des radioménages de la semaine. Tiens, si c'est le praline, et là tu me donnes le pistache pour manger. Tranche papaye de rigueur dans drôle de radio. Tous les samedis, 11h midi, avec Beverly, sur Réunion Première. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kaloubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kaloubang.re. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Et il est 7h16 en toute la Réunion, c'est le rendez-vous du matin à 7h du lundi au vendredi, l'invité de Grand Matin à suivre sur réunion.lapremière.fr sur internet et bien sûr en radio avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et dans cette période de forte tension communautaire et de menaces terroristes, quel est le rôle des religions dans les conflits? Vous recevez Houssaine Amod, porte-parole du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion. Houssaine Amod, bonjour. Bonjour. Dimanche, ce sera la journée réunionnaise de la fraternité. Cette valeur, est-ce qu'elle est menacée sur notre île? On entend de plus en plus parler de racisme, d'intolérance entre différentes communautés. Oui, je pense que déjà, il faut rappeler que c'est un temps fort du groupe de dialogue interreligieux, puisqu'on en est à la 8e édition. Alors, vous parlez du de la journée réunionnaise. Un temps fort du groupe de dialogue. On n'a pas entendu qu'il y ait des problèmes en métropole, ou des craintes qu'il y ait des problèmes ici, maintenant, à La Réunion, pour trouver un espace, un grand moment, pour que les Réunionnais puissent se rencontrer, de toutes origines, de toutes obédiences, dans un moment qui est un moment de partage, festif et culturel, puisqu'il y a des plateaux d'artistes, etc. C'est même familial, puisqu'il y a aussi des pique-niques, et les éditions, et cette fois-ci, c'est au Jardin de l'État, donc c'est le dimanche 25. Et malgré ces réunions, vous le dites, vous n'avez pas attendu. Je vous repose la question, est-ce que vous avez des craintes sur le maintien de cette fraternité telle qu'elle existe à La Réunion? Pas vraiment de crainte, mais il faut être vigilant, hein, puisqu'on n'est pas à l'abri de dérapage, comme on le dit souvent. Nous sommes dans une société ouverte, nous ne sommes pas effectivement épargnés par les grands les grands débats, il y a une médiatisation de ces questions-là. Nous sommes, nos frontières sont ouvertes. Hein. Nous avons moins de connaissances mutuelles puisqu'une société qui évolue. Donc à partir de là, effectivement, il faut être vigilant. Mais moi, j'ai confiance hein, parce qu'il y a quand même un ciment qui est le résultat quand même d'un vécu construit par nos anciens depuis très longtemps. Et on a l'habitude de la différence, on a l'habitude de la richesse plurielle. Et ce vivre ensemble réunionnais, il existe toujours, on le cite souvent en exemple, même l'IRT le souligne, pour promouvoir la destination, la preuve, avec le directeur de l'île de la Réunion Tourisme, Willy Etève. L'île intense, c'est quelque chose qui nous colle à la peau, mais une intensité qu'on a travaillée de façon différente. On est intensément nature, gastronomie, bien-être, préserver intensément ensemble. Le vivre ensemble est aussi important à La Réunion. Donc c'était cette intensité d'expérience qu'on a voulu décliner dans cette nouvelle signature. Un des propos recueillis par Julie Strabonio au Salon Topresa, c'est une bonne chose, Houssène Hammod, que ça devienne un argument commercial, le vivre ensemble. Ben ça participe à l'image de notre pays. Pas forcément, c'est vrai que ça sert, mais c'est aussi pour nous une fierté. De présenter ce visage. Quand on dit île de la diversité, microclimat, paysage, des origines, dans le patrimoine architectural, et ben, le fait religieux y participe, et la diversité des origines y participe. Et qu'est-ce qui, au contraire, pourrait remettre en cause cette harmonie des cultures ? Je pense qu'il y a un problème, il faudrait être très très vigilant sur l'aspect éducation. Je pense que si le bas peut blesser, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on ne prend pas véritablement en compte les réalités... C'est-à-dire que tout le monde ait accès à la même éducation, c'est ça ? Ah, forcément. Mais nous avons, nous, des outils qui sont quand même des outils conséquents. Même si on fait la comparaison avec les pays de la zone. Mais il y a un appareil quand même qui est éducatif, qui doit peut-être être un peu revu, doit se remettre un peu en cause en ce qui concerne donc les matières qu'on enseigne. On parle aujourd'hui de morale, de droit civique, de service civil, mais il y a aussi une appréhension de notre propre histoire qui est nécessaire. Parce que c'est tout ça, c'est l'histoire, c'est la richesse qui réside dans nos différences. Moi, je suis pas pour la standardisation. Moi, je dis toujours, en tant que président du Conseil régional du culte musulman, j'ai cette légitimité à La Réunion d'être l'élu aussi bien des sunnites que des chiites. Et quand vous parlez d'actualité, c'est toujours aujourd'hui, en Syrie ou ailleurs, des affrontements entre les sunnites et les chiites. C'est pas du tout le cas ici, puisque nous travaillons ensemble, et ils m'ont fait même confiance, monsieur sunnite. Je veux dire, ce sont des choses pour éviter qu'il y ait des espaces d'incompréhension, et de l'ignorance surtout, qu'on puisse aborder tous ces problèmes-là, pas forcément dans le cursus pédagogique, mais dans les activités d'éveil, dans les... Et puis, effectivement, le fait religieux. Il faut en parler, non pas pour aller convertir X, Y ou Z, mais il faut en parler. Alors ici, c'est vrai que les musulmans, les catholiques, les tamouls, les juifs, tout le monde s'entend très bien. C'est loin d'être le cas, vous le dites vous-même, partout dans le monde. On se fait même la guerre au nom de la religion. Est-ce que ça ne provoque pas plus de division que d'union, la foi dans tel ou tel dieu ? Je pense qu'il y a... C'est un problème, encore une fois, d'ignorance et d'obscurantisme. Il y a aussi aujourd'hui des manipulations à l'échelle du monde. On sait qu'il y a des grands enjeux, qu'il est facile, pour des raisons économiques et tout, de monter, de diviser pour régner, de pouvoir profiter de situations de catastrophe, pour s'approprier des matières premières, pour reconstruire ce qu'on a soi-même démoli, on a fait démolir. Bon... Nous, ça nous met un peu à l'abri parce qu'on n'a pas ce type de richesse à proposer aujourd'hui aux grandes puissances. Nous ne sommes pas un enjeu. Bien que, on sait que l'océan Indien, et c'est même l'objet du symposium, il y a une problématique de paix, puisqu'en fait, on est loin de la déclaration de paix qui avait été proposée par l'ONU, qu'on veut encore relancer dans un océan Indien, puisqu'il y a des task force, des marines qui sont présentes, une base militaire colossal avec les Américains à Diego Garcia, archipel des Chagos, au mépris des droits les plus élémentaires des on réclamait le retour des Chagossiens sur l'île. Mais bien sûr, l'homme est passé derrière. Hein. On en a fait des vrais migrants cette fois-ci, de force. Ils sont déracinés, ce sont des populations aujourd'hui qui sont miséreuse, aussi bien à Maurice qu'aux Seychelles, et frappée par l'alcoolisme, etc. Il y a un comité qui fonctionne à La Réunion, de Solidarité sa gauche. Il faut saluer, puisqu'il faudra trouver une certaine médiation pour pouvoir aider ces gens à retrouver leur lieu, leur lieu d'habitat, leur cimetière où sont enterrés leurs ancêtres, etc. Je pense que c'est... Voilà, l'homme passe après, et il y a des matières premières dans la zone. Il y a des grands courants économiques. On sait que la zone est stratégique, et l'ONU souhaite relancer la notion de zone de paix, mais on en est loin. Alors, vous avez fait allusion au symposium sur la paix en océan Indien, un grand colloque de 3 jours qui se déroule depuis hier et jusqu'à demain au Moka à Saint-Denis. C'est organisé par le réseau interreligieux des pays de la zone. Comment elle se porte, la paix, dans notre grande région? Je pense qu'il y a, quand même des zones de tension. J'allais dire, si on prend en côte orientale d'Afrique, vous avez la piraterie, qui peut aussi s'expliquer par des problématiques d'exploitation de richesses, etc., et qui méprisent, par exemple, les produits de la pêche, qui méprisent les peuples qui, aujourd'hui, sont sans ressources. Il y a des tensions pour le pétrole dans la zone, effectivement, de la Corne de l'Afrique. On sait qu'il y a des problématiques également de revendications territoriales. Plus on trouvera du gaz ou du pétrole dans le canal du Mozambique, plus se posera la problématique de la souveraineté française sur les îles éparses, ou les revendications, que ce soit sur Tromelin, ou Jandoba, Bassaza India, etc. Et puis, on sait très bien qu'il y a des gendarmes du monde qui traînent aussi dans la zone, et qu'est-ce qui est stratégique ou pas, surtout qu'il faut aussi... protéger les grandes voies de navigation maritime. Tout ça, ce sont des enjeux importants, et ça peut créer des tensions, même si pour le moment on en est un peu épargné. Et puis il y a le danger de la radicalisation. Là, il n'y a plus de frontières, puisqu'on l'avion, le bateau, on peut être au bout du monde assez rapidement. Et ça, c'est une des problématiques qui sont également abordées au-delà de l'aspect global de l'océan Indien zone de paix. C'est aussi la radicalisation des jeunes, c'est la violence intrafamiliale, ce sont des choses qui sont abordées, qui ont été abordées, qui seront présentes, dont des notions présentes pendant tous les travaux. Il y a la question de Mayotte aussi, rapidement, on peut en parler, revendiquée toujours par les Comores. Tout à fait, ça, on ne pourra pas évacuer ce problème, il est présent. Ce n'est pas à notre modeste niveau qu'on va pouvoir effectivement régler les questions diplomatiques ou sur les questions des droits de l'État comorien ou alors de la légitimité des Maorés après un vote, un référendum. Mais c'est vrai que se pose, et ça se... On parle souvent des catastrophes dans la Méditerranée. Et le bras de mer entre Anjouan et Mayotte, c'est aussi un cimetière marin. Il y a des disparitions, il y a des morts, et il y a des problèmes, un problème humain important qui se pose, et qui pose la problématique, et ça c'est au cœur de nos discussions aussi, de voir le co-développement qu'on essaie de mettre en avant pour pouvoir peut-être atténuer les tensions. Co-développement en matière d'éducation, en matière de... Et ça, c'est aux Comores qu'il faut le faire, en matière de santé, d'équipement de santé. Éviter que les gens prennent des risques pour aller se faire soigner, mais et puis meurent en route, quoi. Et certains veulent remettre en cause le droit du sol. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un recul. Ce sera un recul. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui va être une obligation pour les gouvernants mais pour moi, c'est un recul. Vous seriez prêt à l'accepter? Je pense que là, c'est plus surtout aux intéressés, mais le droit c'est pas gagné, parce que ce sera quelque chose quand même qui, encore une fois, revient sur des valeurs fortes que le pays a. Alors, ce sera certainement à géométrie variable. Ça peut être à géométrie variable. Voilà. Ça peut être des territoires qui sont concernés aujourd'hui par des migrations fortes, comme la Guyane ou effectivement Mayotte. Houssaine Hammoud, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne journée. C'est moi, merci. Houssaine Hammoud, le porte-parole du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion. L'interview est retrouvée à 13h30. Allez, dans 1 minute 30, l'inforoute avec Yves Gruyère. Puis juste après, c'est Cécile Thomas qui nous rejoint pour l'information. En attendant, Adjaya, parisienne sur La Première. Bonne journée à vous. Tu déambules tous les matins. plus de motivation que du chagrin. Et si l'harmonie ferme ses portes, le couloir de la mort sans escorte, et dehors ceux qui pleurent sur leur sort, essuieront les larmes de mon corps. Une vie sans blessure, c'est trop long. Prends le cash et te pose pas de questions. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer balader. Ma jeunesse devient ancienne, je suis seule comme une parisienne. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer balader. Ma jeunesse devient ancienne, je suis seule comme une parisienne. Personnalité acrobatique, les sentiments deviennent chimiques. Tu donnes, t'as rien en retour. Il se bat avec une autre ton amour, qui viendra bousculer mes habitudes, qui viendra me faucher ma solitude. Habiter sur l'échafaud de la maille, je retourne d'où je viens dans ma grisaille. Au-delà de mes espoirs conditionnés, on attend Cécile Thomas pour le journal juste avant Mickaël. Un point sur le trafic. On part sur la route. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes à la Ramine des Chèvres, Yvan. Avec des ralentissements depuis la marine de Sainte-Suzanne, on s'éloigne hein, pour le moment, le début des difficultés par rapport à Saint-André tout à l'heure, mais ça reste donc assez difficile hein, jusqu'au front de mer, hein, parce que là, la jonction est faite, il y a assez peu de zones un peu plus roulante que les autres et c'est pas à l'arrêt hein, donc il y a des endroits oui, il y a des endroits où ça roule un petit peu. Attention, toujours de la pluie hein, sur les hauteurs de Sainte-Marie, Beaumont-Sainte-Marie, la ressource peut-être même du côté de la grande montée, attention sur ces routes communales essentiellement. Francis Bourgoin qui arrive, qui est habillé un petit peu dans l'est. Voilà, donc on confirme bien donc qu'il y a encore un peu de pluie également sur le littoral et sur la 4 en voie entre peut-être Vrapadon, Sainte-Suzanne, restez prudent. La circulation entrée ouest de Saint-Denis, les ralentissements revenus au virage du gouffre, ça va un peu mieux, tout comme sur la fin de la route des Tamarins, puisqu'on est repassé de l'autre côté de la tranchée, on est en haut du viaduc et que ça roule également entre Grandfond et Boucan. Dans le sud, il n'y avait pas encore trop de problèmes donc signalés. Et puis si vous circulez sur Saint-Denis, c'est la tranchée couverte côté mer qui va plus charger pour Vinsan également. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Merci de nous faire confiance sur la première 7h31 minutes. Et c'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour, il faisait pousser du zamal à grande échelle et de manière très professionnelle. Un jeune de la ravine des Cabris a été placé en détention provisoire hier. Il avait investi 20 000 euros de matériel pour mener à bien son exploitation. Il ne digère pas la vente de la médiathèque de Saint-Paul à la région. Les membres du collectif Simandef tentent une action au tribunal administratif, mais leurs chances d'être entendues sont très minces. Des gants pour les pilotes de deux roues, obligatoires à partir du 20 novembre, explication dans ce journal. Et puis le grand port maritime se porte bien, plus de marchandises, plus de passagers avec les bateaux de croisière. Les chiffres sont bons, on fait le point avec Delphine Poudroux. Anthony Rivière est horticulteur. Le jeune de 23 ans fait pousser des légumes qu'il vend, un commerce qu'il a délaissé pour une autre activité plus lucrative certainement, mais aussi plus dangereuse puisqu'elle l'a mené devant la justice. Il a été mis en examen hier pour usage, acquisition, détention, offre et cession de cannabis. Il avait installé un laboratoire et une grande plantation à la Ravine des Cabris. Il avait investi près de 20 000 euros dans du matériel comme des armoires pour la culture en intérieur, des lampes à infrarouge, des extracteurs d'air pour faire pousser ses plantes. Son installation a été découverte par les policiers. Les précisions de Laurent Zukovic, le procureur de la République de Saint-Pierre. On a retrouvé environ 8 kilos de têtes séchées de cannabis, 2000 pousses, du matériel assez sophistiqué de culture, des produits phytosanitaires. Et donc ça nous a amené à interpeller le locataire de cette maison qui a reconnu effectivement qu'il s'était lancé dans une production de stupéfiants en vue de pouvoir revendre le cannabis. Donc il avait testé plusieurs variétés. Il est de formation d'horticulteur, donc il connaît bien les plantes, leurs croisements. Et il avait pour objectif de revendre ce cannabis, donc saisi en quantité assez impressionnante. Et puis surtout, ce qui est à relever, c'est le caractère, somme toute, assez professionnel de sa culture.

Olivier Waro, maire du port et président du conseil de surveillance. En quelques chiffres, c'est une augmentation x3 du transbordement, c'est une augmentation de plus 18% de l'importation de marchandises containerisées. C'est un port qui s'organise aussi pour les autres activités maritimes que celles de l'importation-exportation. C'est un port qui s'investit dans l'accueil des croisiéristes demain. En effet, dès le mois prochain, 32 paquebots de plus de 1500 passagers sont attendus à la gare maritime. Et l'enjeu est de taille. Jean-Frédéric Laurent est directeur général du Grand Port Maritime. L'enjeu au sens large, il est sur les retombées pour l'île de la Croisière. Le fait qu'aujourd'hui Costa Croisière vienne à La Réunion et fasse des escales de 2 jours aura forcément des retombées plus importantes. Et donc nous devons être en mesure d'accueillir les passagers, de leur proposer une offre réunionnaise digne de ce nom. Au-delà bien sûr, Port Réunion veut continuer à offrir les meilleurs services à ses importateurs et exportateurs, avec toujours comme seule priorité le développement de l'économie et de l'emploi sur l'île. Delphine Poudroux. Comment assurer une paix durable dans l'océan Indien? C'est le thème du symposium du réseau interreligieux qu'accueille La Réunion. En ce moment, 150 congressistes sont réunis jusqu'au 25 septembre au Moka pour débattre des moyens à mettre en œuvre pour préserver la paix. 4 pays constituent les membres fondateurs du comité interreligieux de l'océan Indien. Madagascar, Maurice, les Seychelles et La Réunion. Mais cette année, Rodrigue et Mayotte sont présents au titre d'observateurs pour Mondroa Saïd Ali, caddie et médiateur socio-culturel installé à La Réunion. Mayotte a toute sa place pour prendre part à la réflexion. Mayotte fait partie de l'océan Indien. Mayotte, on peut dire que c'est une grosse population à La Réunion. On a des usagers qui sont maorais qui sont à La Réunion. Et le dialogue interculturel, interreligieux, c'est un dialogue très important. Alors pour nous, on voit qu'on a notre place dans cette symposium. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on a notre pierre à mettre. On doit être vraiment très motivé pour la paix. Mondroa Saïd Ali, caddie et médiateur socioculturel, répondait à Laurent Figon. Le symposium, c'est jusqu'au 25 septembre. Bon, avec l'accent aussi, pourquoi pas? Mais oui. Prenez l'accent un peu comme Jean-Jacques Bourdin qui prend l'accent de ses invités sur BFM. C'est vendredi. C'est si permis, juste mais quand même. 25 septembre, bon. Au Moka Saint-Denis, je finis juste ma phrase, c'est pour moi. Hein, c'est pour dire que je peux le faire. Ok. Cécile, on est tous avec vous. Bon week-end, Cécile. Bon merci. Week-end merci d'être passé ici. Tant qu'il a le petit week-end. Hein. Oui. Oui. Et préparez-vous pour dimanche prochain. On va tous courir. Merci, Cécile. C'est 7h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Un peu de soleil, un peu de nuages. Yes, sunny in the Ringing Island. Aujourd'hui. Non, mais on va faire tous les accents. Comment? It's mitigé. C'est très mitigé sur La Réunion, sur l'Est notamment, entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, en Touligong, j'irais mieux. Et dans l'Ouest et le Sud. Dans l'Ouest et le Sud, bien écoutez, il y a du ciel bleu plutôt ce matin. Puis cet après-midi, la grisaille va s'installer sur l'Ouest de La Réunion, sur les hauteurs, et puis déborder sur le littoral. Mais globalement, le littoral conservera de belles éclaircies. Dans l'Est, ça sera toujours à peu près la même chose que ce matin. On aura du mal à voir le soleil. Les températures vont grimper après les douceurs matinales et notamment 7 degrés au volcan. On ira jusqu'à 14 aujourd'hui et 27 à Saint-Gilles, 26 dans le chef-lieu. C'est le week-end, bientôt, ben heureusement. Oui. Enfin, pour nous en tout cas. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Pour vous, armez-vous de patience. N'est-ce pas? Allez, on rejoint Yves Gruyère et il y a un véhicule qui est en panne sur le pont de la ravine Charpentier, Yves. Et c'est en direction de Saint-Denis, Isabelle, avec le véhicule arrêté sur la voie de gauche. Le conducteur qui fait des signes pour que les automobilistes passent à droite. Attention, si vous allez vers Saint-Denis, alors ça change pas grand-chose au Schmilblick et notamment aux embouteillages qui commencent toujours depuis Sainte-Suzanne et qui... Il y a juste cette contrainte et on vous demande de faire attention donc à la présence de cette personne toute seule pour le moment puisque la patrouille n'est pas arrivée. Je vais me rapprocher de ce véhicule, voir si on a moyen de faire quelque chose, essayer de le pousser. Alors, à la ravine Charpentier, il n'y a pas forcément de point d'arrêt d'urgence sur l'ouvrage. La circulation va mieux sur la route du littoral. Ça roule à partir... ça coince seulement à partir des... 1 km avant les potences. On se rapproche doucement de ces... ouvrages de protection, avec le pont Vinson qui s'est libéré. Par contre, les tranchées, les deux sont chargées, côté montagne et côté mer. Une circulation qui se fait toujours avec quelques difficultés en haut du viaduc sur la région ouest. Vous connaissez bien sûr les radars pédagogiques qui sont installés sur les routes départementales à proximité parfois d'écoles, etc. Pour faire vous indiquer à quelle vitesse vous roulez et si vous dépassez la vitesse. Donc au lieu d'avoir un affichage en vert, vous avez un affichage en rouge. Eh bien, un radar pédagogique mobile donc installé dans les zones industrielles. On avait eu une opération qui s'était déroulée il y a quelques mois donc du côté de la zone de Cambay. Mais là, ça se passe dans le sud aujourd'hui avec l'ACER, l'association donc des entreprises qui est mise pour la sécurité routière et donc ils seront installés tout à l'heure dans la zone Zénith 3. Attention donc à respecter tout ça. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Mickaël. Isabelle. C'est bientôt 8h. C'est le tout dernier quart d'heure avant donc pour nous de partir au week-end et de vous laisser toute la journée avec nous, avec Jackie qui sera là aussi entre 8h et 10h pour la colle Jacques et puis entre 16 et 18, n'oubliez pas, il y aura David pour le bon tempo. Mais avant 8h, attention, tirage au sort. Oui. Qui va gagner cette croisière à bord de Cata Passion? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Avec croisière à découverte, vous repartirez avec la personne de votre choix ce week-end. C'est pour vous, là, maintenant, en postant une petite photo de petit déjeuner. Et voilà. Likez la page fan. Likez la page fan grand matin, GRAN apostrophe matin. Matin comme matin. Voilà. Comme, comme pas réveillé. Matin comme pas réveillé. Matin comme accent bizarre. Ah là là. Matin comme n'importe quoi aussi, bon, par moment. Marmaille. 7h44 sur première. Oui. On revient avant 8h avec le zapping. Mm-hmm. Et là aussi, il y a du grand n'importe quoi. Okay, oui. Forcément, on se moque de nous. Mm. Et pour notre plus grand plaisir. Hein, oui, et de, faut savoir rire de temps en temps. Et de tout ce qui peut se passer sur cette antenne. Mm. Et puis, il y aura Connect Première. Les métiers de l'informatique, on le vend en poupe. Oui. Tout des ça. Métiers qu'ils rôdent de moune. Pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire, on ne sait voilà, jamais. Tout ça juste après. Graines semées qui arrive là, maintenant. Le tout dernier extrait de l'album Hors Sol de Graines Semées. Exactement, Timaric avec Carlo Desacco. Bonne journée à vous. Timaric il rêve la Réunion. Timaric il rêve les sortes de béton. Timaric il rêve la Réunion. Timaric il rêve. Timari qui rêve, ni décane la déan, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un kéan. Timari qui rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, maloya descend. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, il saute d'un béton. Timari qui rêve. Timari qui rêve, ni décane la déan, pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, même sans samaï, pour nous gaimons, au lexique nous dé, sans sa fin l'engrais. Timari qui lève, là au bras bandeau, Timari qui lève, au son is animaux. Timari qui lève, là au bras bandeau, Timari qui lève. Hop, les bouliers, c'est l'idée. Timaric, il aime des fanas la pli pour qu'il son carreau typiquement oiseau. Timaric, il aime même si les gars pour si soleil là, pour fatigali, Timari qui rêve, il rêve la Réunion, Timari qui rêve, l'y saute d'un béton, Timari qui rêve, il rêve la Réunion, Timari qui rêve, l'y saute d'un béton, Timari qui rêve, il rêve la Réunion, Timari qui rêve, l'y saute d'un béton, Timari qui rêve. Il rêve, Les meilleurs hits de La Réunion, mais ils sont sur première avec Grain de Semer, Timaric dans Grand Matin. On revient, alors restez là dans le zapping. Mm-hmm. De Réunion première, il y a tout plein de choses. On va encore rire aujourd'hui. Puis il y a Connect première qui débarque. C'est sûr. Si dans quelques secondes, restez là. Réunion première, c'est la Radio Pays. Bonjour La Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion première, la Radio Pays. Rappelez-vous. Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Première. Et si vous ne savez pas encore quoi faire, vous êtes au lycée par exemple, prenez peut-être la voie de l'informatique parce que ça marche pas mal en ce moment au niveau de cette filière. Ah, ça c'est sûr. Pascal Rizzo nous en parle de Connect Première. Connect Première. Bonjour, ça ne vous étonnera pas, mais l'avenir devrait sourire à ceux qui ont des aptitudes en informatique. Selon cette étude menée par le réseau social LinkedIn, le réseau professionnel qui a enquêté sur les métiers les plus recherchés sur son réseau et dans ce domaine, le top 3 est le suivant. Numéro 1, développeur logiciel. Numéro 2, développeur web. Numéro 3, ingénieur en système d'information. Toutes catégories de métiers confondues, on est bien d'accord. Autrement dit, les codeurs de logiciels ou d'applications et ceux qui développent des sites web seraient les métiers les moins touchés par la crise. Liste établie selon les offres d'emploi déposées par les 12 millions d'utilisateurs français de LinkedIn. Notons au passage que le premier de la liste, développeur de logiciels, est aussi le métier le plus représenté par les membres français du réseau social que vient de s'offrir Microsoft. L'offre ainsi que la demande sont importantes. Par contre, le numéro 2 des demandes, donc développeur web, est largement sous-représenté. À bon entendeur. Et puis décidément, quelle année pour les smartphones après les Note 7 de Samsung qui explosent quand on les charge apparemment à plus de 60%, les iPhones d'Apple feraient un bruit bizarre. C'est le fleuron de la marque qui poserait problème dans certains cas rares. L'iPhone 7 Plus émettrait un léger bruit aigu. C'est en tout cas ce que disent avoir remarqué deux journalistes spécialisés en informatique aux États-Unis. Du coup, eh bien, tous les nouveaux possesseurs d'iPhone tendent l'oreille, ou plus exactement, mettent leur oreille contre leur appareil pour essayer de déceler ce bruit, et certains disent le remarquer. En effet, le phénomène aurait donc même un nom, le Eastgate. L'avenir, et surtout l'enquête d'Apple qui a échangé les deux téléphones des deux journalistes qui en ont parlé au début, nous en dira plus. Quant au fameux Note 7 de Samsung, eh bien il devrait revenir en boutique à compter du 28 de ce mois, mais en Corée du Sud uniquement. C'est l'Australie qui devrait suivre début octobre, puis le reste du monde étape par étape. Un signe distinctif sur la boîte du smartphone devrait permettre d'être sûr qu'on achète bien l'appareil qui ne contient pas les fameuses batteries qui risquent d'exploser. La rumeur parle même d'un changement de nom. Il se pourrait qu'il s'agisse désormais du Note 7 S. S pour sécurité, on verra bien, c'est une rumeur. En tout cas, finalement, le problème aurait touché 0,01% des appareils. Ce qui, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, fait quand même beaucoup. Rien que l'opération de rappel de tous les Note 7 vendus dans le monde aurait coûté jusqu'à présent 1 milliard de dollars aux géants sud-coréens. Belle journée. Belle journée, Pascal. C'est la dernière ligne droite, les amis. Après, on va ranger tout, et puis on va revenir lundi. Et Florent est là Florent est bien là, pour bien présent, pour écouter le zapping. Déjà. Le zapping de Rayon Première, ça arrive dans pas longtemps, mais juste avant, on va faire gagner tous ceux et toutes celles qui ont gagné, qui ont joué plutôt. Exactement. Alors, on va remercier tous ceux qui ont envoyé leur photo de petit déjeuner. Ouais. On fait un gros bisou à Jonathan. Jonathan, c'est un petit marmaille qui a fait sa photo, lui aussi. Donc, il est dans le sud là-bas, Vincent Deau, il a fait sa photo, il écoute l'émission et il participe. Jonathan, gros bisou, fan. Jonathan. Jonathan est fan de Grand bon Matin. Courage à l'école. Salut à Jonathan. On écoute. Petit déj que l'y prend là, mon avis, ça devrait aller. Hein. On écoute Grand Matin de 7 à 77 ans. Des bananes, un croissant. Voire plus, ouais, c'est un déjeuner complet. Ah oui, c'est bien. Un déjeuner complet. Alors, on a regardé un peu toutes les photos de cette semaine pour le grand tirage au sort dans quelques secondes, hein, pour vous faire gagner la croisière. On a fait une petite boîte et on a mis vos noms dedans. C'est ça. Vos noms Facebook, en tout cas. Puis on a pris vos numéros de téléphone avec soin juste avant. Mais d'abord, on va vous faire gagner vos places de cinéma pour Cézanne et moi. C'est le gagnant du jour avec Guillaume Canet et Guillaume Gallienne qui ira voir donc ce film au cinéma. Eh bien, c'est Fabrice. Bah, bravo, Fabrice. Fabrice qui a été le tout premier à envoyer sa photo de petit déjeuner depuis grand matin 5h. Il était fini d'envoyé. Donc, il y avait de la confiture, du beurre et puis des tartines. Voilà. Donc, on fait un gros bisou à Fabrice. Bravo, Fabrice. Allez, on fait sonner maintenant. On fait sonner le... Parce que là, c'est la croisière quand chez même. Chez le gagnant ou la gagnante du jour. Qui va gagner là à 7h54. Florence, si tu pouvais arrêter de bouger la chaise, parce que ça s'entend. Fait du désordre. Ouais, c'est pas grave. Et là, c'est un grand moment. Là. Quelqu'un va gagner une croisière. Ouais, c'est pour important. Deux, là, c'est important. Sur le catapassion. Bon. Alors. Allô. Allô, allô. Allô. Ça a sonné, puis ça répond pas. C'est ça. Bon, apparemment, il y a un petit souci. Non, il y a un petit bug au standard. Un bug. Okay. On va recommencer. Peut-être que ça appelle chez vous, donc préparez-vous. Tous ceux qui ont joué sur la page Facebook et tous ceux qui n'ont pas joué, vous regrettez maintenant. Ah, super. Merci, François. Allez, ça sonne. Ça sonne une fois. Ça a du mal à sonner deux fois. Ça a du mal à sonner deux fois. Allô. Bon, visiblement, soit on dérange, soit il y a un bug sur la ligne, on ne sait pas. En tout cas, on va féliciter, et c'est dommage, on va féliciter Nenel, Qui l'a emporté aujourd'hui. C'est vous qui repartez avec votre croisière et découverte qui vous font gagner donc cette excursion en mer pour deux personnes sur le catamaran Catapassion. Félicitations. Oh, peut-être. On va y arriver un jour. Allô. Ah ben voilà. Nenel. Nenel. Oui. Isabelle, Mickaël. Coucou. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien et vous? Bah, oui. Très très bien. Nenel, c'est juste pour vous dire en fait, comme on l'a dit à l'instant. Et bien que vous avez gagné la croisière. Ah, c'est super, trop bien. Ah bah ça s'entend. Ouais. Et bah, tout heureusement ça, qu'on vous a eu finalement. Tout ça, Nenel, oui, grâce... Merci, grand matin. Bah oui, grâce à un jus de fruits et deux petites bananes. Et oui. C'est extraordinaire. Pas grand chose quoi, il fallait juste sortir ça du frigo. Voilà. Merci Nenel. Et félicitations. Puis, vous y allez avec qui sur votre bateau? Je vais y aller avec mon chéri. C'est parfait. Pierre, il est certainement sur le port. Oula, mais pas de crise cardiaque avant quand même. Pas faire un cataclysme, hein, c'est pas là. Non. Tout va bien, bon week-end à vous. Bisous. Merci bien. Salut Nenel. Allez, bye bye. Allez, c'est le moment tant attendu de Florent Marot. Et de tout le monde d'ailleurs. L'heure du zapping, vous allez l'entendre chez Claudio, on ne s'ennuie jamais. Yves Gruyer a beaucoup d'humour et puis Pixel, il n'est pas du matin. Ah non, pas mais du ça, tout. On en est sûr maintenant. Ouais, on l'a eu hier. Toutes nos religions enseignent la paix en soi, la paix avec les autres, la paix dans la société, la paix dans notre île, la paix dans le monde. La paix, la paix, la paix, la paix. Un petit chat dans la gorge. Un petit chat? Un petit chat. Un petit minou? Oui, un petit minou. Oh, pouvez m'y bien boire mon mendant pour tirer? Lave la main avant. C'est aillé ça? Évruyé, vous êtes à l'étang salé Léo. Avenue et Montbard. Ça va. Ah ben ça, c'est énorme. Bonjour Pixel. Salut Pixel. Salut. Oh là. Bonjour. Oh là, c'est dur. C'est dur. Ouais. Oh là là là là. Pourquoi est-ce qu'il a pris autant de temps à sortir cet album? Parce qu'il faut le temps pour faire un album. Ça sera bientôt clippé. Ouais. Oh là là. Joyeux anniversaire. Merci. Mais où est Clochette? Qui ça? Clochette. Clochette le chien. Et je te donne une tortue, d'accord? Non, mais une tortue cafre. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Veluma, Kwaheri, Sambitsara, Atsika. Surtout pour les trois malgaches. Surtout pour les trois margaux. Et on attend Jean-Paul hein, jeudi prochain à nouveau avec son petit proverbe là de fin. On adore. Merci Jackie. Bonjour et merci. Jackie. Ben oui, ça va bien. On est bien aujourd'hui. On va parler de samoussa. La Colzac avec Reine Claude Claire puisque son mari Francis a un petit peu la grippe. Donc ce matin, sera en direct avec nous. C'est Reine Claude Claire, mon samoussa, bonbon piment, piment farati, tout cela. C'est Banaï Paille l'apéro ce vendredi. On aura Radio Ménage avec Marlène Crabez, un chapelet de Marseille Forain. Ah, ça arrive, et ça. Comment prévenir ou soulager la gueule de bois? Ça aussi, c'est intéressant. C'est important, absolument. Ça va être le week-end. À consommer avec modération et surtout entre amis. Il faut pas boire tout seul, les amis. Mytho ou réalité, y a-t-il des vampires? Y a-t-il des vampires à La Réunion? Cinquième volée ce matin avec Prisca également. On sait ce que va faire Isa ce week-end, toute seule. C'est n'importe quoi, n'importe merci quoi. Jackie. Merci Jackie. Bon week-end Isa. Bon week-end Mika. Bon week-end. À lundi, bye bye. Bon week-end La Réunion, salut. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Il y a un accident du côté de Pierrefonds, Yves. Deux véhicules en voie de gauche à hauteur de l'échangeur de l'Entre-deux en direction de Saint-Pierre. Et le bouchon, tout de suite des conséquences importantes. Hein. C'est au niveau du Gol hein, pour le début des difficultés des bouchons qui pourraient démarrer, qui pourraient prendre également plus d'ampleur rapidement. Puisque là, on est encore en pleine heure de pointe pour circuler en direction de Saint-Pierre. Beaucoup de patience. On n'a pas de nouvelles et d'état donc sur la gravité de cet accident. On demande simplement d'être prudent et d'être prudent également dans l'autre sens parce qu'il y a un effet de curiosité et qui provoque également quelques ralentissements si vous circulez en direction de Saint-Louis. Alors prudence dans les deux sens. Voilà, moi je me trouve au niveau du véhicule en panne. Alors on ne donnera pas la marque parce que le véhicule sort du garage hier et ben, il avait des difficultés. Il voulait repartir au garage aujourd'hui, mais il n'a pas eu le temps d'arriver, le monsieur. Et comme c'est une boîte automatique, eh bien, on ne peut pas pousser la voiture juste à la sortie du pont de la ravine Charpentier et avant l'échangeur du verrier. Alors les ralentissements sont à hauteur de la ravine des Chèvres, jusqu'au niveau de ce véhicule avec voie de gauche neutralisée. Après ça roule jusqu'au pratiquement du parc Gillot. Après il y a de nouveau un ralentissement dans la ligne droite de la Jamaïque. Donc circulation qui va un peu mieux, puisque même sur la route du littoral, c'est ralenti après les potences. Pont Vinsane, ça roule à peu près les sont chargés. Et puis côté ouest, bonne nouvelle, c'est en bas de viaduc déjà pour la fin, pour le début des ralentissements sur la fin de la route des Tamarins. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous écoutez Réunion Première, il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. C'est peut-être le procès le plus attendu cette année. Gérard Govindamal est jugé aujourd'hui à Saint-Pierre pour plusieurs vols de coffres-forts. L'affaire avait défrayé la chronique l'an dernier. L'homme d'affaires et 11 de ses complices sont soupçonnés d'avoir organisé une dizaine de cambriolages. Lui avait lancé sa petite entreprise de production de cannabis à la ravine des Cabris. Anthony Rivière, 23 ans, a été mis en examen et écroué hier pour trafic de stupéfiants. Il avait chez lui 2000 pieds de zamal et pour 20 000 euros de matériel professionnel. Des gants quand on roule à moto, ce sera bientôt obligatoire pour le pilote mais aussi pour le passager. Comment ça se passe? Quand faudra-t-il s'équiper? Reportage à suivre. Et puis le Kaloubang 2016 démarre à 20h ce soir au parc des expositions de Saint-Denis. Au programme Loïc Teicher, qu'il tire entre autres, ainsi que le britannique Flox. Nous l'entendrons à la fin de cette édition. L'homme d'affaires est très connu à Saint-Pierre, vice-président de la Saint-Pierroise, propriétaire de plusieurs restaurants. Gérard Govindamal est jugé aujourd'hui pour plusieurs vols de coffres-forts. L'affaire avait fait grand bruit l'an dernier. 11 complices sont également attendus à la barre. Tous forment ce que l'on avait appelé le